bienvenue sur la Libre Antenne. Comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, on a avec nous Claire Sévrac. Bonsoir Claire. Bah, bienvenue à Meta TV. Finalement, voilà, on t'avait attendu pour les métanautes. Ils étaient très déçus aussi ce soir-là. Et ben voilà, vous voyez, partie remise. On avait promis effectivement qu'il y aurait l'émission. Bah, merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, et voilà, malgré toutes nos péripéties, honte à moi. Allez, vas-y, j'ai le droit à ma gifle aussi ce soir. Alors, mais bon, en tout cas, ça nous fait super plaisir de t'avoir ici. Pour évoquer évidemment le complot contre la santé, puisque ça c'est quand même un sujet qui nous préoccupe tous, hein, la santé. On a bien vu qu'on était très manipulé sur la santé. On a peu d'infos, c'est très secret comme domaine. D'ailleurs, on parle de secret médical. Oui, mais je pense que c'est maintenant c'est plus particulier à la santé. Maintenant, je trouve que l'éventail ils font très fort. L'éventail s'agrandit de jour en jour et en fait la santé maintenant englobe beaucoup de choses. Moi, quand j'ai commencé mon enquête, c'était plus les labos et ce qui se passait dans la médecine telle qu'elle était pratiquée, etc. La malbouffe, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'on est vraiment maltraité à tous les niveaux, quoi. On est maltraité dans notre santé physique, morale, mentale. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Mais alors, on sait que les laboratoires pharmaceutiques engrange des bénéfices colossaux sur des médicaments dont l'efficacité n'est pas prouvée. Parce que c'est ça, on nous vend quand même des médicaments qui nous empoisonnent quelque part, ou alors en tout cas qui n'ont pas l'effet qui est... Oui, en fait, ils ont une excuse, c'est qu'ils disent que chaque médicament a un bénéfice-risque. Et donc en général, ils disent que le bénéfice, effectivement, vaut la peine qu'on prenne quelques risques. Il y a des médicaments pour lesquels il n'y a que des risques et aucun bénéfice. C'est ça qui est grave. Et des vaccins, on voit bien, puisque il y a des médicaments qui sont autorisés, qui sont prescrits toute la journée, et on s'aperçoit que 5 ans ou 6 ans après, ils sont retirés du marché parce que le scandale commence à se voir. Et donc ça, c'est pas bien, parce que pendant des années, il y en a eu plein. Il y a eu le Vioxx, il y a eu le Thalidomide, il y a eu le Distilbène, il y a eu le Diantalvic, les hormones de la ménopause, les hormones de croissance. Enfin, il y en a plein, c'est courant, quoi. Il y a le Gardasil aussi, ça, c'est... Ah, le Gardasil, c'est un vaccin. J'étais hier à une réunion, justement... avec Michel Rivasi, qui est députée européenne, et des professeurs, et des victimes du Gardasil. Et on va demander un moratoire, Michel Rivasi va demander un moratoire, parce que c'est aberrant. C'est-à-dire que comme en France, on n'arrive pas, c'est pas comme aux États-Unis où il y a des class action, et où les victimes se groupent tout de suite, et n'ont pas à prouver la relation de cause à effet. Donc il y a beaucoup de victimes qui sont indemnisées aux États-Unis. En France, c'est un vrai problème parce que l'AFSAPS ne prend pratiquement pas les gens. Il faut vraiment qu'ils apportent la preuve qu'il y a une relation de cause à effet. Et évidemment, on ne peut jamais l'apporter. Ils disent oui, mais si vous vous êtes fait vacciner la veille et que vous ayez un accident de voiture, c'est pas à cause du vaccin. Donc si demain vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas prouver que c'est à cause du vaccin. Donc c'est très sournois. Et comme l'AFSAPS, enfin maintenant ça s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et comme eux refusent de prendre les plaintes, enfin les rapports d'effets secondaires, ils disent toujours mais il n'y a aucun effet secondaire puisqu'ils ne les répertorient pas, il n'y en a jamais, tu comprends ? Ça le problème. D'accord. Mais le Gardasil, oui, c'est une vraie saloperie. Ça stériliserait à terme, enfin ça rendrait stérile les femmes. Pas ça, c'est que c'est un ensemble de choses. Déjà, c'est un vaccin justement dont on n'a jamais prouvé l'efficacité, jamais. Quand on regarde le document de mise sur le marché, il y a marqué que, d'abord, ils l'ont vendu comme un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, ce qui est un mensonge, parce que c'est un vaccin contre 2 ou 4 papillomas, et qu'on a plus d'une centaine de papillomas dans le corps. Donc, c'est juste, on ne peut pas dire que c'est un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin contre 2 papillomas ou 4 papillomas selon le vaccin. Mais en plus, ces papillomas peuvent très bien vivre pendant... S'ils déclenchent un cancer, c'est dans 30 ans ou 40 ans. Donc, on n'a aucun recul pour dire que ce vaccin empêche que ça déclenche un cancer, puisqu'il n'existe que depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc, en plus de ça, on fait même dans le document de mise sur le marché, ils disent bien que les femmes continuent à faire des frottis vaginaux parce que c'est le moyen le plus sûr de savoir s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Donc, ce vaccin ne sert pas à grand-chose. Les expériences, et puis quand on regarde tout, le vaccin est une escroquerie, c'est-à-dire que les études comparatives qui ont été faites n'ont pas été faites avec des études placebo et des études avec le vaccin tel qu'il est. Normalement, il y a 2 groupes. On regarde les effets sur les 2. Là, le groupe qui a eu des placebos, en fait, il y avait de l'aluminium dedans aussi. Donc, on ne peut pas dire, par rapport à l'autre vaccin, on n'a pas une vision claire de ce qui se passe. En plus de ça, il y a eu plein de magouilles, c'est-à-dire que les gens qui ont découvert, enfin qui ont trouvé ce vaccin, ont reçu le prix Nobel, mais le prix Nobel était truqué. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont. Et puis, il contient du borax, qui est du borate de sodium, c'est de la mort au rat. En fait, normalement, il devrait y avoir les 2 os comme ça croisés avec la tête de mort. Ça n'y est pas non plus. Et puis, il contient beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Enfin, il y a de la saloperie dans les vaccins, ça c'est une révélation. Oui, et en plus celui-là, il est fabriqué avec la technique OGM. Donc justement, ça a été l'objet d'une des discussions hier, c'est qu'en fait, dans le sillage de ce vaccin, il y a beaucoup de filles qui développent des maladies auto-immunes. Et en fait, l'ADN contient, enfin je veux dire, on se rend compte que pour les gens qui ont reçu ce vaccin, ont un ADN qui se colle justement à la protéine et qui fait que dans son sillage, il y a plein de maladies auto-immunes. Et donc il y a de grandes chances, on en a débattu hier avec le professeur Gérardi, enfin avec d'autres médecins, il y a de grandes chances que ce soit parce que comme il est fabriqué avec la technique OGM, c'est-à-dire qu'il est fabriqué avec un ADN, on met dans le corps un ADN qui est un ADN étranger. Or, le corps humain est fait pour que quand il y a un ADN étranger qui le touche, notre système immunitaire se lutte contre tout ce qui est étranger qui essaye de rentrer dans notre corps. Et ils le prennent d'où, cet ADN, je comprends pas. C'est la fabrication, c'est-à-dire il est fabriqué à partir d'une levure, ou un c'est à partir d'une levure, et l'autre c'est à partir d'un insecte. Et donc le vaccin est porteur de l'ADN étranger. C'est et il n'y a bien sûr eu aucune étude qui prouve que c'est inoffensif. Donc ils vont prendre des ADN d'insectes et de... C'est-à-dire c'est ce qui code pour faire passer le vaccin. Ouais, d'accord. Et donc ça crée des maladies auto-immunes, des tas d'autres maladies. Et évidemment, dans les vaccins, il y a des tas de merde. Faut le dire, faut appeler les choses telles qu'elles sont. Il y a des adjuvants comme l'aluminium. Tout le monde sait depuis des années que l'aluminium est nocif. Et là, je veux dire, on inocule des vaccins où il y a de l'aluminium dedans. Et donc l'aluminium, la particularité de l'aluminium, c'est que ça migre directement au cerveau. Donc c'est ce qui aussi peut déclencher des tas de maladies comme Alzheimer, comme Guillain-Barré, les myofascites à macrophages. Et tu parlais de stérilité. C'est-à-dire qu'il y a aussi, ces filles attrapent aussi souvent des lupus ou la maladie de Vermeil, c'est-à-dire qu'elles ont des furoncles dans tout le corps. Et il y en a qui ont des furoncles aussi sur les ovaires. Donc on est obligé de leur enlever les ovaires et c'est comme ça qu'elles se retrouvent effectivement stériles à 18 ans. D'accord. Voilà. On ne comprend même pas pourquoi le principe de précaution, au lieu de s'appliquer au labo, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas démontré que la cause, c'est vraiment ce vaccin, on continue à vacciner, alors qu'on devrait normalement apporter la preuve que le vaccin, c'est quelque chose qu'on met dans un corps sain. C'est-à-dire quelqu'un qui est sain, on lui inocule un vaccin et on lui inocule déjà la souche de la maladie, plus ou moins atténuée. Mais il paraît que ce serait une aberration, ça, quand même, d'un point de vue médical, justement, de prendre le vaccin comme étant, justement, on inocule la maladie à la personne. Plus toutes les saloperies qu'il y a dedans. Plus toutes les saloperies. Parce que quand c'est... Bon, celui-là, il est fait sur de la levure et sur un insecte, mais il y en a qui sont faits... par exemple, avant, il y en avait qui étaient faits sur des embryons de poulet ou sur des œufs. On utilise des singes aussi, on utilise des tas de trucs qui sont vraiment pas... Ça, c'est pareil, on utilise des ADN étrangers et d'autres espèces, c'est-à-dire qu'on franchit la barrière des espèces. Dans la nature, tu n'attrapes pas le sida du chat, tu vas pas attraper la grippe du porc. Non, mais là, on l'inocule directement et en plus, sans que le corps ait la barrière du derme et de la... Normalement, quand tu es en contact avec une maladie, il y a des barrières dans notre corps. Là, on inocule direct dans le corps, quoi. C'est quand même extrême. Là, j'ai une question intéressante de Hermite. Il dit... un exemple concret, je suis un fermier, l'Inexium, nouveau nom du médicament qui n'est rien d'autre que du Mopral, ancien médicament n'étant plus sous brevet, dont les médecins de l'APHP et sûrement d'autres sont prescrits automatiquement, même si le patient n'en prenait pas avant. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un fermier qui a des prescriptions obligatoires. Alors je ne connais pas moi ce médicament, je ne connais pas l'Inexium. On ne sait pas ce que c'est l'Inexium et il dit le Mopral. Ouais. Donc oui, il dit que finalement, ouais, on impose des médicaments comme ça. Mais tous les gens qui sont dans le milieu hospitalier, en tout cas, sont obligés de se faire vacciner. Ça, c'est oui, pour le personnel, c'est obligatoire. Au moment de la grippe H1N1, donc ça aussi, on en a beaucoup parlé. Justement, il paraît que oui, il y avait des scandales parce que le personnel, effectivement, devait se faire vacciner. Oui. Et ça, c'est une énorme escroquerie. Alors, cette affaire de grippe H1N1, c'était... Ça a été... Mais je pense que là, ils sont allés trop loin. Parce que là, justement, tout le monde, tous les gens qui ne s'étaient pas posé la question des vaccins, ceux-là sont posés. Ouais. Parce que déjà, tout le monde cherchait des cas d'H1N1, on n'en trouvait pas. Et pendant ce temps, l'OMS déclarait une pandémie de niveau 6, ce qui est énorme. Donc, pour avoir une pandémie de niveau 6, on aurait dû avoir les gens qui tombent comme des mouches autour de nous. On ne voyait pas un malade qui avait le H1N1. Et entre-temps, il y avait plein de trucs qui étaient très bizarres, genre faire passer une loi pour que les laboratoires ne soient pas, qu'il y ait l'impunité des laboratoires en cas d'effet secondaire. C'est quand même bizarre, parce que ça te donne pas confiance si tu veux... Si tu vas faire réparer ta voiture chez un garagiste et qu'il est marqué en haut, le garagiste n'est pas responsable des réparations qu'il effectue sur votre voiture, ça te donne pas envie d'y aller. C'est clair. Mais ce qui est incroyable, c'est parce que Roselyne Bachelot, elle, qui était ministre de la Santé à l'époque, elle avait des liens directs avec l'industrie pharmaceutique. De toute façon, regarde, on a bien vu quand il y a eu l'affaire Cahuzac... finalement, il avait touché plein d'argent des labos et que c'était cet argent qu'on soupçonnait... qu'il est mis à l'abri dans d'autres pays. Ils ont pratiquement tous des liens avec des labos. C'est ça qui est dégueulasse, c'est qu'en fait, on nous dit, chaque fois qu'il y a un scandale, quand il y a eu le scandale du Mediator, on nous a immédiatement dit, c'est un accident, c'est un dysfonctionnement du système, mais on va faire une commission d'enquête et on va faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Okay ? Ils ont fait une commission d'enquête qui a été confiée au professeur Debré et au professeur Even. Et à la sortie de cette enquête, ils ont dit qu'il faudrait changer ça, plein de choses à changer pour que ça n'arrive plus, effectivement. Le problème, c'est qu'à la sortie, la seule chose qu'ils ont fait, c'est changer le nom de l'instance de sécurité, c'est-à-dire ça s'appelait l'AFSAPS, maintenant ça s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais elle est toujours financée à 83% par les laboratoires. Beaucoup des experts qui siègent dedans ont des conflits d'intérêts, mais pas tant, qui sont, par exemple, pour le H1N1, il y avait Bruno Lina, qui était le conseiller de Bachelot, qui criait partout, et Bachelot avec, il disait, mais les experts sont intègres, ils peuvent travailler pour les labos et travailler pour le gouvernement, c'est parce que ce sont les meilleurs et tout. Donc, il disait, je ne touche aucun argent des laboratoires. Certes, mais il avait une société de loi 1901 qui touchait des 5 labos fabricants du vaccin. Et le président de son association, c'était le directeur du marketing de Sanofi. Voilà. Et tout est comme ça. Quand tu regardes l'étude Pour le vaccin, le HPV, du cancer du col de l'utérus, c'est l'étude EDIT qui a fait foi pour ce vaccin. Quand tu regardes l'étude EDIT, on fait en France, tu as beaucoup de mal à trouver des signatures, mais quand tu vas regarder sur les sites américains, en fait, ils sont obligés de déclarer. Donc quand tu regardes en bas de l'étude EDIT, elle était signée de 5 personnes qui étaient tous appointées chez Sanofi. Qui est le fabricant du vaccin. Donc moi voilà, ce que je trouve dégueulasse, c'est que les cartels pharmaceutiques ou qu'une industrie veuille faire de l'argent, ça n'a rien de répréhensible. Quand on monte une société, c'est pas pour paumer du fric. Ce qui est emmerdant, c'est qu'ils fassent du fric sur notre dos et surtout qu'on nous mente. Si c'est vraiment aussi clair et s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce qu'on nous dit pas la vérité? On est grand, on peut comprendre. Oui. Mais évidemment, quand tu tombes sur un mensonge, tu regardes s'il n'y en a pas un deuxième, un troisième, et plus tu regardes, plus tu en trouves. C'est ça qui est quand même bizarre, quoi. Et la France, on est en pointe en matière de laboratoire. On fait partie des grands pays, on va dire, producteurs de médicaments, quoi, oui. Très grands producteurs. Oui. Et on voit qu'il y a ces intérêts, donc voilà, collusion jusqu'au plus haut niveau de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, politiquement, pour essayer de renverser cette vapeur? Parce qu'on demande de la transparence, mais on a l'impression que c'est pas possible d'en avoir. Ben, il faudrait que tout le monde se lève et n'accepte plus que les gens. On peut pas être juge et partie. Napoléon disait la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ouais. Et c'est évident. Ouais. Je veux dire, l'agence de sécurité du médicament, si tant qu'ils seront financés à 83% par les laboratoires, alors c'est pareil, hein, ils touchent pas 83% de leurs subsides des laboratoires, mais c'est de l'argent que les laboratoires donnent à l'État, que l'État redonne à l'agence du médicament. Donc tant que ce sera comme ça, ça ne peut pas changer. C'est pour ça que c'est une escroquerie quand on nous dit à chaque scandale, c'est un accident, on va arranger ça. Ça n'est pas un accident, c'est un système qui est fait pour fonctionner comme ça. Et il est bien évident que les gens qui siègent, et même les experts qui sont de bonne foi et qui sont honnêtes et qui ne veulent pas tremper dans les magouilles, ils n'ont aucun argent pour faire des contre-expertises. Ils n'ont pour statuer si un médicament ou un vaccin est bon que les données du laboratoire. Il est bien évident que le laboratoire, s'il a fait 3 études, il y en a 2 de mauvaises et une bonne, il ne va pas donner les 2 mauvaises, parce que sinon on va lui dire « ben non, votre médicament il n'est pas bon ». Donc dans le système est complètement faussé, mais c'est la même chose en politique, c'est la même chose partout, on ment sur tout et ça finit par devenir insupportable. Voilà. Alors on nous demande justement, alors il nous explique Hermite, pour faire simple, l'Inexium est un soi-disant protecteur gastrique qui est donné car certains médocs favorisent des ulcères gastriques genre Doliprane pris de manière fréquente. Ouais. Ouais, parce que le Doliprane, c'est vrai, il paraît que ça abîme l'estomac. Oui. Moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup pris. On peut arriver à un moment donné, on a mal à l'estomac, limite, à vomir, quoi. C'est horrible. Ah oui. Ouais, le Doliprane, c'est... On nous dit, est-ce qu'il y a une alternative à l'utilisation d'adjuvants pour les vaccins? Parce que, mais toi, tu crois qu'il faut remettre en cause le principe même du vaccin? Tu penses que quand même, un vaccin, c'est utile? Si on peut m'apporter la preuve que c'est utile, je demande à voir. Franchement, j'ai rien contre la vaccination si on m'apporte la preuve qu'un vaccin est utile. Mais malheureusement, chaque fois que je regarde, au début, quand j'ai commencé mon enquête, j'ai commencé avec le H1N1. Il était pourri et on mentait de partout. Donc, et puis des trucs très bizarres, genre Baxter avait déposé le brevet du vaccin H1N1 un an avant la pandémie qui n'y a jamais eu. Mais comment tu peux savoir un an avant que dans un an il va y avoir dans le monde entier une pandémie d'H1N1, sauf si tu la déclares. Je sais pas quoi. Pourquoi pas le H1N12 ou le voilà. Donc moi je suis désolée, j'ai juste un peu de logique. Et quand tu mets les choses bout à bout, après j'ai regardé le vaccin contre l'hépatite B, c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Ouais. Après j'ai regardé le HPV, il n'y a rien. Et tout est mensonge. Je veux dire, on nous dit il y a des gens qui meurent tous les ans du cancer de l'utérus, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément ces 2 papillomas qui vont donner le cancer. Par contre, les effets secondaires sont lourds. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aussi sortir dans la rue et se faire écraser par une voiture. Ouais. Je veux dire, mais est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans le corps autant d'ingrédients nocifs Il y a quand même, on se rend compte que les courbes, par exemple, les courbes de maladies chroniques sont proportionnelles au développement, aux courbes de développement d'un pays. C'est-à-dire, plus le pays est développé, plus ces maladies sont énormes, plus le pourcentage de gens malades est énorme. Maintenant, il va y avoir un enfant, enfin, il y a un enfant sur 68 aux États-Unis qui est autiste. Avant, moi, je ne sais pas, quand j'étais à l'école, il n'y avait pas d'autistes dans ma classe. Alors, je veux bien qu'il y ait un petit pourcentage et que ça ne vient pas uniquement des vaccins, c'est les pesticides, c'est tout l'environnement qui est pourri, tout est pourri autour de nous. C'est ça qui est grave, c'est que, voilà. Après, j'ai regardé, par exemple, le vaccin du tétanos. Ah oui, alors ça, on nous en a parlé, voilà. Justement, parce qu'on a tous fait le fameux tétrapolio, il y avait le tétanos. Ah oui, Alors, le vaccin du tétanos, enfin, le tétanos n'est pas une maladie immunisante. Donc, le principe d'un vaccin, c'est qu'on te dit, au moins on me disait à l'école, qu'est-ce qu'un vaccin ? On vous inocule la maladie, comme ça votre corps fait des anticorps, et quand il est confronté à la maladie, vous ne l'attrapez pas. Or, on s'aperçoit que les gens vaccinés attrapent la maladie autant que les pas vaccinés. Bon, voilà. Donc, premièrement. Deuxièmement, le tétanos, la maladie n'est pas immunisante. C'est-à-dire, tu peux attraper. Déjà, on attrape le tétanos très très vieux en général. En général, il y a toujours des cas. Il y a toujours des gens. Enfin, il y aura toujours un cas de méningite, un cas de tétanos. Bon. Mais en général, c'est assez vieux, très très vieux. Et en plus de ça, une fois que tu as eu la maladie, tu peux très bien l'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est pas parce que tu as attrapé la maladie que tu ne l'auras plus. Donc, à quoi ça sert de t'inoculer la maladie? Parce que ça ne va pas t'empêcher de l'avoir. Ça aussi, c'est juste une question de bon sens. C'est une question de bon sens, c'est voilà. Logique. La rougeole, toutes les maladies, là, maintenant, ils vaccinent même les chiens contre la coqueluche. Faut arrêter, quoi. Bientôt, ils vont vacciner les chiens contre la rougeole. Je veux dire, ça devient débile. Et la rougeole, la varicelle, la coqueluche. Alors ils disent, mais il y a des enfants qui meurent tous les jours de la rougeole. Où? Voilà. Parce qu'on a tous attrapé la rougeole, les oreillons, on est resté quelques jours à la maison et puis c'est tout. Et en plus de ça, ça n'empêche pas d'attraper la rougeole quelques temps après. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on vaccine, quand on met dans le corps des enfants, déjà le système immunitaire d'un enfant n'est pas construit avant 7 ans. Donc à quoi ça sert que tu lui inocules d'un coup toutes ces maladies? Quand le corps humain, quand est-ce que dans la vraie vie, dans la vie, tu attrapes 6 ou 7 maladies en même temps? Donc là, les enfants, on les prend à 2 mois, 3 mois tout petits, on leur balance 4 ou 5 ou 6 valences de maladies en même temps, mais il faut qu'ils aient un système pas possible pour se défendre, le corps est extraordinaire. C'est violent, en fait. Oui, et en plus de ça, en admettant que ça ait que ça serve à quelque chose, ça ne protégerait que pendant 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, il faut refaire et reprendre les doses de trucs, etc. Et pendant ce temps, ton système immunitaire ne se construit pas. La seule façon de construire un système immunitaire, c'est justement d'attraper les maladies, que le corps se défende et construise ton système immunitaire. Si immédiatement on te coupe l'herbe sous les pieds tout le temps, les gens arrivent à 20-25 ans, ils n'ont aucun système immunitaire et toutes les maladies qui passent, ils se les chopent. Et du coup, ils chopent la rougeole à 35 ans ou 30 ans, ce qui est vachement plus dangereux, d'autant qu'ils n'ont pas de système immunitaire construit. Et en plus, il y a toutes les saloperies dans l'air, dans la bouffe, etc., qui sont des maladies qui empêche le système immunitaire de fonctionner. Oui, ça aggrave, ça fait un facteur aggravant. Voilà. L'alimentation. Donc moi, qu'on me prouve demain qu'un vaccin sert à quelque chose, pourquoi pas, je veux dire... Non, parce que c'est quand même presque, j'ai envie de dire, obligatoire. Alors on m'a expliqué ici, on en avait parlé de ça même avec Farida Belghoul, que justement, il y avait une notion qui protégeait dans la Constitution française, puisqu'on avait propriété de notre corps, qu'on ne pouvait pas... Absolument. Voilà. Et on doit être totalement informé des risques et de ce qui est... Avant de faire un acte sur un corps humain, on doit informer le patient de ce que c'est et de ce qui va se passer et de ce qui risque de se passer. Ça n'est jamais fait. Il y a beaucoup de médecins, moi je reçois tous les jours des appels de maman ou de papa à qui les médecins, sur qui les médecins font un forcing terrible en disant il faut faire vacciner votre enfant, etc. Sans rien leur dire. Et surtout, personne ne prend la responsabilité de ce qui peut se passer après. Quand quelqu'un est malade et qu'on essaye des médicaments sur lui, Il peut accepter en se disant bon, j'ai pas trop le choix, je vais voir ce qui va se passer et tout. Mais on prend un corps sain d'un bébé ou d'un et on lui inocule plein de saloperies et personne ne se soucie de ce qui va se passer après. Non mais c'est, enfin moi personnellement, bon là ils vont dire, il raconte sa vie, mais quand j'étais bébé, on m'a inoculé le vaccin du BCG parce que c'était obligatoire. Oui. Et j'ai fait une super mauvaise réaction. J'ai eu une énorme boule qui a poussé, ils m'ont hospitalisé en urgence. Enfin, c'était horrible. Et après, j'étais dispensé à l'école le reste de la scolarité parce qu'il y a des rappels du BCG, donc qui viennent, voilà, tous les 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Et donc moi, j'avais une exemption à chaque fois parce que justement, j'avais eu ce problème de vaccination avec la première inoculation, quoi. Et c'était, je me rappelle par contre, c'est vrai qu'on était à l'école, tous alignés, allez hop. Moi j'ai connu ça aussi, le BCG. Le BCG, mais ça, le BCG, alors. Il a été retiré. Ça, c'est la preuve d'un truc. On te dit pendant des années, on te met un pistolet sur la tempe, il faut absolument faire le vaccin. Parce que sinon, maintenant, ils ont même trouvé un truc génial. Ils disent, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Parce que si, s'il n'y a pas 90% de la population qui est, par exemple, vaccinée, ils considèrent que c'est mettre le reste, c'est mettre la population en danger. Donc maintenant, en plus, on nous dit, faites-le pour les autres, soyez gentils. Et puis un jour, on nous dit, non, finalement, c'est une saloperie, on fait, donc on va arrêter. Mais c'est comme le vaccin pour les tout-petits. Enfin, le seul qui est obligatoire en France, d'ailleurs, c'est le DT polio, diphtérie, tétanos, polio. Il n'existe plus. C'était un vaccin qui ne contenait pas d'aluminium. Ils l'ont retiré du marché parce qu'il n'était pas assez cher. Et maintenant, maintenant, les vaccins qui existent ont d'autres valences. Ils contiennent la coqueluche, l'hépatite B, qu'on attrape vraiment en grande majorité par le sexe. Donc pourquoi est-ce qu'on vaccine les bébés avec la valence de l'hépatite B? Et je veux dire, tout est... bon, il faudrait quand même qu'ils nous expliquent un jour, je veux dire... C'est comme il paraît que le vaccin, alors je ne sais pas si tu connais, de la fièvre jaune, parce qu'il est souvent obligatoire quand tu vas quand dans certains pays. Quand on va dans les pays étrangers. Voilà. Et celui-là, je sais pas, parce que ça, moi, ça me semble être pareil, un espèce de business, parce que quand tu vas, tu te rends, et souvent, il y a des pays à zone, et c'est souvent en Afrique ou en Amérique du Sud, donc on te force à le faire. Hein, si tu n'as pas ton carnet de vaccination, il ne te reste pas à rentrer dans le pays, hein, d'ailleurs. Hein, ouais. C'est obligatoire, on te le réclame à l'entrée du pays, obligation d'être vacciné. Mais est-ce que c'est efficace? Ça sert à quelque chose, là, cette histoire? Moi, personnellement, je pense que non. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens. Hier, il y avait, dans le colloque où j'étais, il y avait 2 chercheurs américains, dont une jeune femme qui est en stage en Israël, justement, parce qu'ils font des recherches sur l'immunité. Et on a commencé à discuter ensemble, et je lui ai dit, je ne sais plus quoi, sur les vaccins. Et elle me répondait sur le HPV. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que les vaccins ont une efficacité quelconque? Elle m'a dit, bah, c'est-à-dire, je dis moi pas. Elle m'a dit, mais moi non plus. Donc voilà. Donc, c'est qui nous prouve, je pense qu'avant de nous mettre des trucs dans le corps comme ça, qui nous prouve que ça a un effet quelconque. Mais le premier vaccin, c'est Pasteur qui a inventé le premier vaccin. Pasteur était Pasteur était probablement le premier à avoir compris comment se faire des roudoudous nanor. Parce que voilà, parce que je voulais te demander, parce que Pasteur, il y en a plein qui débouclent le mythe en disant... Il faut lire les trucs Pasteur et Deschamps et comment ça s'est passé. Je veux dire, ça c'est un truc pareil, quand on nous a fourré dans le crâne petit à l'école, Pasteur, il y a eu le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'est fait mordre par un chien et qui avait la rage. Pasteur l'a sauvé. Apparemment, on ne sait pas combien de gens Pasteur n'a pas sauvé. Et en plus de ça, personne n'a jamais prouvé que ce môme avait la rage. Donc, c'est bâti sur une escroquerie totale, l'histoire. Donc, voilà. Parce qu'on nous a fait un roman quand même, Pasteur, justement, l'homme qui... Pasteur a été un grand usurpateur. Ça a été un grand usurpateur. Il y a même un livre qui est sorti, qui a été, je crois, écrit par son neveu, où il dénonçait vraiment qui était Pasteur. C'est-à-dire, Pasteur était un grand usurpateur devant l'Éternel. Il a trouvé une bonne combine, alors, si j'ose Mais dire. Je pense que par rapport à ses autres copains chercheurs qui, eux, cherchaient vraiment honnêtement, lui, il a piqué un peu dans chaque ce avec quoi il pouvait se faire des doudous nanor. Et il est tombé au bon moment, parce que c'est le moment où les laboratoires avaient besoin d'expansion et il leur a apporté sur un plateau un truc, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, le patron de Merck avait dit... c'est dommage qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens malades, parce que si jamais on trouvait une combine pour en vendre bien portant, on se ferait des couilles à nord. Et qu'est-ce qu'on vend aux gens bien portants de la prévention? On leur fout la trouille, on leur dit, ah là là, tu risques d'ailleurs, on vit dans une trouille totale maintenant. Parce qu'on est, on est tous hypochondriaques et on a tous peur. On a peur d'attraper ça, peur d'attraper ça. On fait des tas d'examens pour être sûr qu'on n'a pas ça. Finalement, il y a beaucoup d'examens qui sont plus nocifs que la maladie elle-même. Voilà quoi. On nous parle beaucoup de la pilule pour les femmes, ça aussi. Je sais pas si ça c'est pareil. Alors pendant des années, ils ont prescrit à toutes les petites filles qui arrivaient dans leur cabinet, non, il faut prescrire la pilule de troisième génération, c'est beaucoup mieux, etc. Puis là, oups, alors là vraiment, c'est dramatique. Bon, alors, comment on peut leur faire confiance? Parce que c'est une forme pareille, c'est donner un médicament à quelqu'un, bon. On va dire qui est en bonne santé, Non, mais c'est ça qui est grave, c'est que le principe de la vaccination, c'est que tu prends des gens qui sont en bonne santé et tu leur inocules des choses qui sont pas forcément. C'est ça qui me fait, un peu, je trouve ça assez incroyable. Alors, qu'est-ce que vous me dites Mingrine qui demande. Elle comprend pas pourquoi on utilise vraiment tous les adjuvants, l'aluminium, tous ces produits nocifs. On se dit mais c'est quoi la raison? C'est pas compliqué. En fait, la raison c'est que si par exemple un vaccin, une souche de vaccin qui est atténuée pour la désactiver, pour désactiver la souche de la maladie, ça coûte $3. Si on la désactive pas, ça coûte 58 centimes par vaccin. C'est déjà une bonne raison. Ça, c'est pour la souche. Ensuite, on met des adjuvants comme le mercure, l'aluminium, le squalène, tous ces trucs-là, parce que c'est fait pour booster la réaction immunitaire. Donc, pour qu'on ait l'impression que le vaccin a plus d'effet, que ça booste la réaction. Donc oui, ça rajoute des corps étrangers. Voilà, ça rajoute. Et il y a aussi, après, il y a tout le reste. C'est-à-dire, il y a le fait que quand les vaccins sont faits sur des bêtes qui proviennent d'élevage industriel, par exemple, les bêtes sont dans un état absolument, l'hygiène absolument dégueulasse, lamentable. Donc déjà, pour arriver à les faire survivre dans ces conditions, elles sont bourrées de tranquillisants. Parce que sinon, elles ne pourraient même pas supporter leur état. D'ailleurs, elles ne le supportent pas. Il faut aller voir un jour un élevage industriel. Je vous jure que c'est radical. Après, on ne mange plus de viande. On ne peut pas. Ou alors très très peu. Parce que ce n'est pas possible. Les bêtes sont dans des conditions d'hygiène lamentables. Elles sont à je ne sais pas combien par cage. Elles sont sur des grillages en pente comme ça pour que les excréments puissent s'évacuer. Elles ont tellement de mal à rester accrochées que des fois leurs pattes claquent sous l'effet les pattes restent accrochées et les bêtes meurent à côté avec les pattes cassées. On leur coupe le bec pour pas qu'elles se tuent entre elles ou qu'elles se massacrent entre elles parce que elles sont dans des conditions de stress épouvantables. Donc elles sont bourrées de tranquillisants, elles sont bourrées d'hormones, elles sont bourrées d'antibiotiques. Et nous, on est en bout de chaîne, c'est-à-dire que les gens qui mangent ça mangent à la fin de la journée des pesticides avec les légumes, des antibiotiques, des tranquillisants, des hormones, et voilà ce qu'on mange à la fin de la journée si on mange ces bêtes-là. Sans compter que c'est absolument dégueulasse, je veux dire, jamais depuis le début du monde, les animaux ont été traités comme ça. Les humains aussi d'ailleurs, hein. Ah, mais on avait beaucoup parlé ici, c'est vrai. Et puis il y a aussi le fait, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que certains vaccins sont faits avec la technologie OGM, de manipulation génétique, et personne ne sait ce que ça fait sur le corps humain d'avoir d'ingurgiter des ADN étrangers et des OGM en fait. On nous demande, alors, est-ce que selon toi, c'est Ewan qui nous dit ça, est-ce que tu penses que les élites prennent les mêmes médicaments et traitements que le petit peuple où ils ont une médecine une médecine pour eux, un peu pour les riches? Je pense qu'ils prennent pas. Le problème, ça a été effectivement l'alliance avec le cartel de la chimie, mais je pense pas qu'ils se soignent avec de la chimie, non. Ouais, ils évitent justement, ils sont quand même. savent les risques. Il y a des trucs très, très bizarres quand même, parce qu'on te dit, dès qu'il y a des médecins qui ne veulent pas appliquer les protocoles de l'industrie, ouais, qui sont les mêmes pour tout le monde, si tu regardes bien maintenant, quand tu as mal aux pieds, on te donne ça, quand tu as mal à la tête, on te donne ça, mais quand tu vas les trois quarts du temps chez un médecin, il ne prend plus le temps de regarder qui tu es, comment tu vis, quels sont tes antécédents, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi éventuellement tu as développé cette maladie. On te dit, tu as mal à la tête, prenez tel antibiotique, tu as mal, voilà. Les trois quarts du temps, c'est de la chimie, c'est que de la chimie. Mais je pense pas que les gens qui ont le choix se soignent avec ça. Ouais. Mais d'un autre côté, on fait peur, c'est-à-dire que on te dit, si un médecin n'applique pas le protocole, les homéopathes, etc., sont très souvent ennuyés par le système. Qu'on leur dit, vous vous rendez compte, vous mettez la vie de vos patients en danger. En danger. Après, il y a la sucipine. Tu mets un. Ok, donc petite interruption involontaire, voilà, de micro. Hein. Donc, Oui, je disais donc, ils sont en train d'harceler les médecins, ouais, qui eux, sont fidèles au serment d'Hippocrate qui consiste à faire attention. À ce que tu fais un malade et à prendre soin du malade. Et donc, ils vont dire que les gens qui soignent avec des plantes ou qui soignent avec des méthodes, des protocoles, mais qui sont personnels à chaque malade, on les ennuie beaucoup, on les met devant le Conseil de l'Ordre, on les interdit d'exercer, sous prétexte qu'ils mettent la vie de leur malade en danger. Mais jamais on dit, par exemple, que beaucoup de médecins prescrivent des chimiothérapies à des gens qui n'en ont pas forcément besoin et qu'on réchappe et qu'il y a 2,6% des gens qui réchappent de chimiothérapie au-delà de 5 ans. Personne ne le dit jamais, ça. Bah ça, moi, bon, j'ai une amie, on lui fait plein de bisous, elle va se reconnaître, qui travaille dans le milieu médical. C'est vrai qu'on avait parlé de ça avec elle. Elle travaillait justement dans un centre de thérapie de cancer. Ils utilisaient beaucoup la chimio et elle nous disait qu'elle voyait quand même des gens guérir. Mais c'est vrai que j'en ai parlé beaucoup avec Gilles aussi l'autre fois, avec Gilles Lartigot, qui disait que la statistique est très faible. Ouais. Si on va la chercher, on verra que c'est... Ouais. Donc ça veut dire que parce que la chimiothérapie, c'est quand même une méthode qui consiste à un peu tuer tout, quoi, quelque part. C'est ça, c'est on injecte, ouais, quelque chose qui tue absolument toutes, ouais, les cellules. Mmh. Il ne fait pas de sélection, il tue... Ouais. Toi, tu n'encourages pas, en tout cas, la chimio. Moi, je suis pas médecin, donc je peux pas dire ça. Sur ce que tu t'es renseigné. Mais ce que je peux dire, c'est ce que je vois. Moi, ouais, je peux pas dire aux gens faites ça ou ne faites pas ça. Je peux juste les encourager à ne pas croire ce qu'on nous dit. Mais alors, surtout pas, rien d'entrée et aller se renseigner, parce que quand on se renseigne, on trouve. Hein. Parce que sur ces questions-là, alors. Voilà, petite question. Ça, c'est Jen Lynch. Après avoir entendu parler que les personnes dans des pays comme l'Inde ou la Chine étaient moins touchées par les maladies qui sont censées être protégées par le vaccin qui est obligatoire en France, alors ma question est, si dans des pays comme l'Inde ou la Chine, on meurt plus rarement des maladies protégées par les vaccins, pourquoi continuer à ce qu'ils soient obligatoires et si importants pour la médecine? Pourquoi ils insistent pas à ça? C'est quoi? C'est juste pas économiquement, parce que ça rapporte beaucoup. Parce qu'il dit que dans des pays où c'est pas obligatoire, finalement, il y a moins de malades. Mais de la le DT polio, il est obligatoire qu'en France. Il y a plein de pays européens où il n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Donc c'est... S'il n'y a pas qu'un Inde où... Bon, eux, ils ont morflé pour d'autres raisons. C'est pour ça que je tiquais un peu. Parce que eux, ils ont eu droit aux grands bienfaiteurs de la planète, comme Bill Gates et tout, qui ont fait des campagnes de vaccination... pas possible en Inde justement et en Afrique après avec la polio par exemple et en fait maintenant qu'on a un petit peu de recul on se rend compte qu'effectivement les gens ne meurent plus de la polio en Afrique mais ils meurent ou ils sont paralysés à vie d'un truc qui s'appelle la paralysie flasque aiguë et qui en fait la même chose que la polio mais c'est plus le vaccin c'est plus le virus sauvage qu'on trouve dans leur corps quand ils sont autopsiés c'est le virus vaccinal. Donc, ça fait quand même se poser certaines questions, quoi. Ouais. Donc, voilà, petite réponse, mon cher Jen Lynch. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Yasmine a dit, dans les années 80, tu étais presque obligé de te faire vacciner dans les dispensaires. C'était le traumatisme de tout enfant. Parce qu'ils ont mené quand même. C'est vrai que la vaccination, là, tout à l'heure, j'ai vu aussi passer Hermite qui disait que lui, voilà, les gendarmes sont venus. Voilà, il dit les étudiants infirmiers de deuxième et troisième année furent réquisitionnés, certains par la force, avec les gendarmes qui venaient les chercher à leur domicile. Ouais. Les infirmiers ont reçu un bon pour se faire vacciner en priorité. Et vraiment pour dire que. Ils les ont, c'est quand même pas autoritaire. Oui, en plus, on a échappé parce que au moment du H1N1, en fait, quand l'OMS déclare une pandémie de niveau 6, il faut savoir que la loi de l'OMS se substitue à la loi de ton pays. Et c'est-à-dire, si on n'avait pas été aussi nombreux à gueuler et à avertir les gens, on pouvait très bien se retrouver avec une obligation de se faire vacciner et de beaucoup d'autres choses. Hein. Parce qu'on a reçu des cartons d'invitation, en fait. Pour tout dire, des cartons d'invitation à se faire vacciner. Alors, ce n'était pas un ordre de, on va dire, pour se rendre, mais c'était. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, franchement, il y a beaucoup de médecins maintenant qui s'en rendent compte. Il y a aussi beaucoup de médecins qui ne vont pas vacciner leurs enfants. Mmh. Beaucoup d'infirmières ou d'infirmiers. Moi, j'en vois beaucoup dans mes conférences qui viennent me voir et qui elles, ne sont pas vaccinées et leurs enfants non plus. Mais je comprends pas qu'on laisse. Je comprends pas que les gens se lèvent pas et que on demande au moins des explications, pas les explications lambda qu'on nous sert comme ça en nous disant nous on sait vous savez pas donc levez votre manche et faites-vous vacciner. Non, qu'on nous explique et qu'on nous donne des preuves, c'est quand même la moindre des choses quand on nous inocule des trucs pareils. Mais on est obligé de vacciner les nourrissons, on nous demande ça. Il y a une vaccination en France. Il y a la diphtérie, tétanos, polio est obligatoire. Et pour les nourrissons, donc c'est-à-dire. Oui. Ouais. Sauf que, je ne sais pas quel est l'âge exact, à part, mais il y en a qui vaccinent les tout bébés, un hein, mois, donc deux on mois. Est passé du BCG finalement obligatoire. Au DT polio, voilà. Mais le problème, c'est que maintenant, en même temps, on vaccine les enfants contre l'hépatite B, contre la coqueluche, contre. Il y a 5 ou 6 valences dans le vaccin. Alors, par exemple, la tuberculose, c'est un vaccin contre ça, là, c'est le BCG. C'est le BCG, voilà. C'est ça que je me disais. Mais on te dit que maintenant elle est éradiquée en France. Oui, quand même. Alors, oui, c'est quoi, mais le problème, c'est qu'ils disent chaque fois que toutes les maladies, chaque fois, ils disent ont été éradiquées par le vaccin. Voilà. Mais en fait, quand tu regardes les courbes et chronologiquement comment ça s'est passé, les trois quarts du temps, la maladie avait déjà était déjà bien descendue avant l'origine, avant le vaccin, pratiquement pour chaque maladie. Et en fait, c'est aussi venu du fait que c'est surtout les progrès de l'hygiène, d'ailleurs, qui ont changé même en chirurgie, hein, même dans plein de domaines. C'est le fait qu'il y ait l'eau potable, le fait que les gens aient des conditions d'hygiène beaucoup plus, qu'il n'y ait plus les rigoles avec les égouts au milieu de la rue, qu'il y ait l'eau courante dans les maisons. Enfin, toute l'hygiène qui a fait que les maladies ont reculé, beaucoup plus que la vaccination, je pense. Mais voilà, donc c'est vraiment l'environnement et les conditions de vie. Pourquoi la courbe des maladies chroniques suivrait la courbe, par exemple, je veux dire, il y a beaucoup moins d'autisme, enfin jusque-là, parce que maintenant que les vaccins commencent à être suspects chez nous, ils vont vacciner en Afrique. Mais je veux dire, jusque-là, il y a plein de maladies chroniques que les Africains n'avaient pas. Mais il y a beaucoup de campagnes aussi de vaccination. Maintenant, par exemple, il y a les ONG qui demandent. Ça, c'est encore un autre problème, parce que les OMG, c'est la huitième, quand on regarde le marché des OMG, enfin le chiffre d'affaires des OMG, c'est la huitième puissance économique mondiale. Par exemple, Bill Gates, c'est 30 milliards ou 33 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on sait qu'en fait, on nous dit, mais ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, ils donnent leur. Comme Warren Buffett, à un moment donné, il y a eu une campagne, il trouvait abominable que ses enfants héritent, il pensait qu'il fallait en faire profiter l'humanité. En fait, ça veut dire qu'ils prennent de l'argent de leur société, ils le donnent à leur fondation, et leur fondation, déjà, c'est exemple d'impôt, et ensuite, leur fondation achète des vaccins dans les sociétés dont ils sont actionnaires, pour aller vacciner les petits Africains. Donc c'est deux fois jackpot, quoi. Et moi, c'est ça que je supporte pas, c'est que partout où tu regardes, il y a un mensonge. Si vraiment tout est clair, pourquoi est-ce qu'on nous ment, voilà. C'est comme en politique, pourquoi on n'est pas assez grand pour comprendre ce qui se passe. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, on me demande, on me dit, Il y en a qui prennent un peu le parti, j'ai l'impression, des vaccins. Enfin, on nous dit par exemple Zellerwell, le vaccin en particulier dans le sens n'est pas un médicament traditionnel. Il est donné prioritairement à une personne en bonne santé, personne qui n'est donc pas tombée malade. Ça entre dans le concept de la médecine préventive. On fait croire aux personnes qu'elles bénéficieront d'un bon rapport bénéfice-risque. Ouais. Ah oui. On fait croire, il a bien dit. On fait croire. Mais on tombe un peu dans le panneau parce qu'en fait, on prend quand même la parole de scientifique pour un peu parole d'évangile. C'est... Ah mais moi la raison pour laquelle je suis partie en guerre, c'est que j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je veux dire, j'ai au moment de l'hépatite B, je vivais aux États-Unis. Je suis rentrée, j'ai dit mais bon ça va, je gagne bien ma vie et donc je vais faire vacciner. Je suis allée me faire vacciner. J'ai fait vacciner ma famille en me disant vous savez, je suis une bonne mère. Moi au moins j'ai protégé mes enfants, etc. Le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait autant d'effets secondaires et autant de problèmes. Parce que justement, aux États-Unis, comme il y a les class action, ça se voit beaucoup plus vite. J'ai été très, très en colère. Et là, je vois les enfants qui sont malades, les filles qui sont malades, les drames que ça fait dans les familles. Parce que ce sont des enfants qui étaient en parfaite santé et qui, un mois ou deux mois après, parce que ça arrive relativement vite après la vaccination, se retrouvent avec des maladies pas possibles. Elles n'y voient plus, par exemple. Elles ont des moments où elles sont aveugles. Elles ont des kystes sur les ovaires, elles peuvent plus marcher, elles ont des myofascites à macrophages. Donc elles passent 5 ans sur 6 à l'hôpital. Quand elles ont 18 ans, elles peuvent faire la lumière. Quand tu as l'occasion d'être dans un pays où l'histoire nous a amené à avoir des libertés et à pouvoir parler de certaines choses, où dans d'autres pays on coupe la tête tout simplement, et bien je pense que c'est important d'amener la masse vers le haut et d'essayer de partager les informations que tu as récoltées, même si elles sont dangereuses à divulguer, parce que il y a des vrais titres que moi j'ai écrits sur mes derniers albums, ça parle de l'actualité, avec des vrais responsables de la situation mondiale aujourd'hui. Que tu nommes. Bien sûr, moi de toute façon j'ai toujours nommé chirurgicalement les responsables de nos conditions. Une thématique de plus pour la bonne santé. Les recherches affûtées pour savoir quoi manger. Ils ont tout pollué, il y a des responsables. On n'a pas perdu comme ça les océans en mer de sable. C'est palpable, inacceptable. Allez, on balance carte sur table. De plus en plus de maladies, de pathologies. Le cancer qui se développe dans les zones rurales autant que dans les villes modernes. Souvent quand on se penche sur les tenants et les aboutissants, on trouve des multinationales avec de l'argent très polluant. Demande à Monsanto ce qu'il y a comme cadeau derrière le dioxine. Demande à Aniston ce qu'est un taux de PCB. Chacun de ses habitants sait ce qu'est être contaminé. Aaron Clampiral et Clofen, le même nom pour des décès. Mais aussi pour 50 ans de fortune d'une firme qui tue légalement ou qui rend infirme. Ça pollue dans tous les sens depuis les 30 glorieuses. Contamination des sols, économie honteuse. De l'agent orange aux herbicides, il n'y a qu'un pas. De l'aspartame aux hormones de croissance, il n'y a qu'un pas. PCP aux OGM, c'est toujours le... Ok, bon, donc petite reprise, hein, c'est les piles se déchargent à une vitesse incroyable. Donc tu nous disais qu'effectivement les ONG, des gens comme Bill Gates qui investissent énormément via des fondations, en fait c'est un moyen de... prospérer, oui. Faire croître, oui, leur fortune aussi, quoi, en fait. Hein. Bah oui, lui, la grande question, je me demande s'il est utilisé, s'il est pourri ou s'il est utilisé, je sais pas. Parce que franchement, dans tous les coups fourrés, tu les retrouves, enfin tu retrouves les mêmes, quoi, donc c'est quand même bizarre. Alors c'est marrant, il y a Raph54 lui dit qu'il est depuis 2009 victime d'une maladie non reconnue par les médecins qui ne trouvent aucune anomalie. On a même essayé de me mettre sous antidépresseur. Ah bah voilà. Ça c'est le grand truc, hein. Et il a des syndromes, voilà, il explique, de fatigue chronique, etc. C'est vrai qu'on entend parler de ces nouvelles maladies, la maladie des mangenons aussi, c'est quelque chose qu'on... Ah, ça, c'est encore autre chose. Alors, mais c'est quand même assez énorme, quoi. Des gens, ils ont des fils comme ça, on le voit, qui leur sortent de la peau, quoi, littéralement. Et ça serait provoqué, selon eux, par les chemtrails, c'est ce qu'on entend. Que ce serait par les épandages, en fait. Les épandages, oui. Oui, mais c'est. Enfin, bon, je suis en train d'enquêter dessus. Ouais. Donc, mais Oui, il y a une corrélation. Alors, il y a plein de trucs. Il n'y a pas que les chemtrails. Et effectivement, on retrouve du polymère dans les gens qui ont la maladie des morgelons et dans les gens et dans les résidus qui tombent du ciel, voilà, que les gens font analyser. On trouve les mêmes résidus dans les analyses. Et puis c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait, tous les gens qui ont la maladie des morgelons, quand on fait une biopsie, on s'aperçoit qu'ils ont aussi une bactérie qui s'appelle Agrobacterium. Et cette bactérie, c'est celle qui est utilisée pour fabriquer tous les OGM. Donc je peux pas vous en dire plus parce que je suis en train de chercher là-dessus. Donc il y a forcément une corrélation aussi, laquelle pour l'instant je la connais pas. Mmh. Et il y a plein de trucs très bizarres, quoi. Mais c'est sûr que tout le monde est crevé, tout le monde dit, tout le monde, on voit bien dans l'air, tout le monde est crevé, tout le monde a des mal aux yeux, des allergies. Et effectivement, le nombre de fois où je veux dire les gens ont des enfants qui ont des problèmes respiratoires, ils rentrent à l'hôpital, ils sortent 3 jours après, on dit qu'est-ce qu'il avait. Bon, on ne sait pas, ils ne savaient pas ce qu'il avait, mais il est ressorti, ça va mieux, voilà. On ne sait pas, je veux dire, mais il est évident que c'est bien ce qu'on respire et ce qu'on mange. Bah, il faut que ça rentre bien quelque part, de toute façon. Oui, et puis ouais. c'est vrai que enfin, là, c'est pour ça que je disais, on est un peu cerné, quoi. Entre la médecine, la bouffe, maintenant, ce qui nous tombe du ciel, ça fait quand même beaucoup le corps humain est quand même fort. Hein. Espérons qu'on arrivera à tenir. Je sais pas. Alors, on me dit, le gavage des médicaments, pesticides sur les animaux, et la propagande pour se faire vacciner. Nous sommes voués à l'échec si rien ne change à croire que tous les hauts décisionnaires sont maléfiques. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réactions contre les vaccins. C'est très nouveau, parce qu'avant, les vaccins, c'était un peu quand même... Bah, c'était le dogme vaccinal. Voilà. On ne pouvait absolument pas y toucher. Voilà, absolument. Et Dieu merci, il y a eu Sylvie Simon, qui est partie il n'y a pas longtemps, mais avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui elle, a fait 35 bouquins où il y a déjà 30 ans, elle a dit tout ça. Et je veux dire, ça a pris beaucoup de temps. Mais quand même, les gens commencent à être conscients que c'est... Et moi, je les encourage à pas me croire, à aller chercher, parce que c'est très important. Souvent, on vient me voir, on me dit « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Je peux pas dire à quelqu'un « faites ça ou ne faites pas ça ». D'abord, c'est pas mon rôle. Et je m'insurge toute la journée contre les gens qui nous disent « faites ça » et qui nous donnent pas d'alternative. Donc, c'est pas pour dire aux gens « ne croyez pas cela, mais croyez-moi, moi ». C'est pas... Je veux dire, il ne faut pas substituer un gourou à un autre gourou. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe et regardent, aillent se documenter, regardent. Et franchement, il suffit d'un tout petit peu de bon sens pour voir, quand on met les choses l'une à côté de l'autre, pour voir que ça ne tient pas la route. On nous demande, par exemple, il y a Sivenu, il dit, est-ce que notre organisme à nous, on va dire individus vivant en milieu urbanisé en Occident, on serait plus fragile que, par exemple, des tribus qui vivraient dans la forêt qui n'ont pas du tout été vaccinées. C'est pour ça qu'il y a un ensemble de choses qui fait croire quand même que les vaccins ne sont pas ce qu'ils nous disent. Parce que, par exemple, il y a eu des études de fait sur les Amish qui ne se vaccinent pas, ne font pas de prise de sang, ne touchent absolument pas à la médecine allopathique. Et les Amish n'ont jamais été vaccinés, il n'y a pas d'autistes chez les Amish. Alors évidemment, on va nous dire c'est une coïncidence. Oui, mais ça fait beaucoup de coïncidences. Alors Saint-Sainte, Saint-Quenelle, je lui passe un petit bonjour aussi, une grosse bise. Il demande, est-ce que tu peux nous parler un peu d'André Gernèse, parce que il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et il avait des analyses aussi qui étaient sur le. Quelle est dans ton sens, si j'ose dire. Oui, mais il y a eu effectivement Gernèse et puis il y a d'autres, il y en a d'autres qui ont trouvé effectivement des façons de guérir ou du moins d'atténuer les cancers, etc. Mais ces gens-là n'ont pas droit à la parole. Parce que justement, c'est la même. En fait, C'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un complot. On l'appelle complot ou on l'appelle autrement. C'est pas l'important. Mais je veux dire, le plan est le même partout. C'est-à-dire qu'on a détruit tout ce qui était normal dans la vie, tout ce que la nature avait créé. Notre corps, on nous fait croire que notre corps est imbécile, qui ne peut pas se défendre, qu'il faut nous mettre des tonnes de trucs dedans pour que notre corps. Mais notre corps peut très bien se défendre tout seul. Je veux dire, Gernèse avait trouvé. Je dis Gernèse, mais c'est pas pour lui manquer de respect, parce que j'ai infiniment de respect pour lui. Et d'ailleurs, je vais parler dans pas longtemps avec un de ses bras droits, qui est Jacques Lacaze, justement pour me familiariser beaucoup plus avec sa théorie et tout ça. Mais tous ces gens-là ont été mis au ban et ont été jetés, je veux dire, par la médecine. Pourquoi ? Il n'y a qu'une explication pour moi, c'est que ces gens-là, ça ne permettait pas de faire du fric. Et quand je dis c'est le même plan dans l'agriculture, c'est pareil. Quand les paysans ont gardé leur semence de l'année dernière et la ressemé l'année d'après, et en fait ils achetaient des semences une fois de temps en temps, et après ces semences ils s'en servaient pendant des années. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont breveté les semences, et toutes les autres ils les éradiquent au fur et à mesure, et quand elles ne sont pas au catalogue des semences, on n'a pas le droit normalement de les semer. Et les trois quarts des graines Monsanto, par exemple, sont des graines qui s'auto-détruisent après la récolte. Donc, pourquoi ? Parce que si les paysans ressèment les graines, Monsanto ne fait pas de chiffre d'affaires. Et c'est pareil, c'est la même chose pour les médicaments. Si c'est des médicaments naturels, si c'est de la prêle ou si c'est des médicaments, enfin des plantes que vous pouvez avoir dans votre jardin, et les labos ne peuvent pas faire de bénéfice dessus puisqu'ils ne peuvent pas le breveter. Il y en a partout. Je veux dire, moi j'ai des orties dans mon jardin, tout le monde a des orties dans son jardin. Donc comme ils ne peuvent pas le breveter, ils disent c'est de la merde, faut pas s'en servir, faut prendre notre chimie à nous, si c'est ça qui soigne. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, la preuve, le docteur Gernèse l'a prouvé et d'autres l'ont prouvé. Mais on l'est. Beljanski qui a été obligé de partir à New York et je veux dire qu'on a traité de charlatan, qu'on a vraiment traîné dans la boue. Et pourtant, ces médicaments sont en vente aux États-Unis. En France, y a, vraiment, c'est difficile. Hein, dans ce milieu de la médecine, on voit bien que j'ai l'impression qu'on a pas mal de scientifiques. Voilà, bon, on a parlé de Gernèse, il y a René Quinton aussi. C'est des gens qui ont été mis comme ça au banc alors qu'ils apportaient presque une révolution. Regardez Séralini qui a sorti les études sur les OGM. Mmh. Immédiatement après, on l'a décrédibilisé. On a dit, l'Académie des sciences a dit que ses analyses étaient merdiques, qu'il fallait surtout pas s'en occuper, etc. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un trouve quelque chose qui peut être bon pour nous, immédiatement, on dit, mais non, c'est ridicule, mais vraiment, c'est nul. Le mec, c'est un fou furieux, etc. Voilà, on les met, parce qu'ils ne peuvent pas faire du fric là-dessus. Il est évident que si on mange des poireaux de campagne, ils ne vont pas faire de fric dessus. Si on va acheter leur truc, et là aussi, ils ne perdent pas le nord, puisque eux gardent les semences, les séquences ADN de toutes les semences du monde dans un coffre-fort en Alaska. Ah oui, j'ai voilà. entendu parler de. Mais de nous, ça. On n'a pas accès à ça. Oui. Et normalement. Chaque graine, apparemment, chaque voilà. ADN. Oui. Et si une semence n'est pas au catalogue européen des semences, normalement, on n'a pas le droit de la semer. C'est pour ça, bravo Cocopelli, qui garde toutes les semences et qui garde la mémoire de l'humanité, parce que c'est notre patrimoine. Mais notre patrimoine, on le détruit. Les animaux, c'est pareil. Les animaux, on nous dit, mais les OGM, les animaux, les élevages industriels, etc., on nous dit c'est pour pouvoir nourrir la planète. Comment on ferait ? On est 7 milliards, etc. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que les OGM, la première année, ça booste un petit peu la récolte. Et après, c'est fini. Les gens sont d'abord, ils sont obligés de racheter des graines. Ensuite, leur sol est totalement appauvri. Il n'y a plus de vers, il n'y a plus de bêtes qui font respirer le sol. Donc les sols sont foutus. Les graines ne poussent plus, donc leur récolte, et puis il suffit qu'ils aient une mauvaise récolte, ils n'ont plus de quoi bouffer. Enfin, je veux dire, ça n'a pas du tout aidé à faire nourrir la planète, ça a appauvri la planète. Les élevages industriels, c'est pareil. Je veux dire, les bêtes sont souvent malades, mais là, c'est pareil. Je veux dire, la procréation, maintenant, il n'y a plus de procréation chez les animaux normales. C'est avec des pipettes, c'est des programmations, c'est les procréations assistées, c'est avec les spermatozoïdes qui sont les semences qui sont sélectionnées, etc. Et maintenant, j'ai très peur qu'on essaye de faire la même chose avec les humains, parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, je veux dire, c'est pareil. C'est un peu la dernière étape, c'est passer le pas, si j'ose dire. D'un côté, les pesticides rendent les gens stériles. Je veux dire, le taux de spermatozoïdes est descendu, de fécondité des spermatozoïdes est descendu de 30% en très peu d'années. Ouais. Et en même temps, on nous dit qu'il faut accepter la gestation pour autrui. Mais après, qui va empêcher que les bienfaiteurs de l'humanité louent 50 000 ventres et mettent des embryons formatés? C'est un peu ce qui va se passer. En plus, on peut dire que dans l'absolu de la loi, même s'ils ne feront pas les enfants ici, si j'ose dire, les ventes vont être dans les pays pauvres. C'est des femmes qui n'auront pas d'autres moyens. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a la manipulation génétique qui va derrière. Et que maintenant, on peut déjà choisir sur catalogue aux États-Unis si on veut un enfant qui a les gènes, les yeux bleus, qui n'a pas le gène de l'obésité. Donc tu confirmes bien, parce qu'il y a le film, je ne sais pas si tu connais, Bienvenue à Gattaca. Non. C'est à l'époque qui traite beaucoup de ce thème-là, d'une civilisation qui basculerait dans l'ADN finalement, et où les hommes vont être modifiés. Et il explique qu'il va y avoir une scission entre deux types d'hommes. Les hommes dits naturels, qui auront été conçus comme depuis l'aube de l'humanité, et des hommes génétiquement modifiés qui, petit à petit, prendront le pouvoir et seront considérés comme supérieurs, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit les génétiquement modifiés qui prennent le pouvoir. Hein. Je pense qu'ils veulent justement créer des races d'hommes qui... Parce que finalement, on les emmerde énormément, ceux qui ont le pouvoir. On est là en train de penser, de réfléchir, de faire voter les libres, etc. Je pense que quelque part, je crois que c'est Michel Drac qui disait ça, qui disait, en fait, pour eux, on est comme si c'était au sommet d'un gratte-ciel et qu'ils voient des fourmis en bas. Et ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à s'agiter comme ça? Ils ont de quoi bouffer, ils ont un toit sur leur tête. Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir, je pense, une société de gens qui les embêtent pas, qui marchent droit, qui font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire travailler, faire marcher le système, et puis c'est tout. Bah écoute, on va faire une petite pause. Steph, t'es prêt, j'imagine, à la régie, et puis on revient juste après, parce que c'est l'heure, ils sont habitués à la petite pause. On revient juste après sur Meta TV. À toi, Steph. Voilà, donc de retour après la pause, hein, avec, on a vu les amis, je suis en pleine action. Et on évoquait justement à l'instant encore une aberration totale. Parce que tu me dis qu'ils existent donc des vaccins. Non, ici, ils travaillent. Voilà. Ils travaillent sur un vaccin contre les effets secondaires des vaccins. Mais si quelqu'un dit je suis malade à cause du vaccin, ils disent que les vaccins n'ont pas d'effets secondaires. Ils sont plus à une contradiction près, quoi, vraiment. Non, bah, tant qu'on va les avaler, je vois pas pourquoi ils se priveraient. Hein. Voilà, on nous parlait justement, c'est Pirate, je passe un gros bisou, Pirate. Il dit qu'ils mettent au point donc un vaccin contre la sclérose en plaque à base de cannabis qui va sortir. Je suis pas au courant de ça. Il dit que ça va sortir ce mois-ci. Alors on nous parle, ça c'est Pif qui dit, c'est un nouveau Pif, on le salue, il dit qu'est-ce qu'on pense des régimes végétaliens voire frugivores? C'est marrant parce qu'on en parlait justement en off de problématiques là-dessus. Alors là c'est pareil, c'est sûr qu'il faut, alors le bio n'est pas à 100% garanti, même loin de 100%, c'est juste moins pire. Et franchement, manger de la viande, moi, depuis que j'ai enquêté sur les élevages industriels, c'est pas possible. Je peux pas cautionner ça, et je pense qu'on devrait pas cautionner ça, parce que ce qu'on fait aux animaux, on nous le fait à nous, et eux ne peuvent pas se défendre, mais nous, on peut avoir suffisamment de jugeote pour essayer de lutter contre ça. Donc voilà, moi, je pousse pas les gens à être végétarien, mais là je fais beaucoup de conférences avec Gilles Lartigot et Thierry Casasnovas, qui lui ne mange que des jus de fruits et des légumes. Alors il est bien évident qu'il ne faut pas prendre les légumes où il y a des pesticides, parce que sinon. mais bon, qu'est-ce qu'on peut manger maintenant? C'est-à-dire, on parlait du poisson, voilà. Voilà, le poisson. Moi, quand j'ai arrêté la viande, je me suis mise au poisson de plus en plus intensivement. Bien sûr, pas le poisson d'élevage, parce que c'est une catastrophe. C'est la même chose que dans les élevages de viande. C'est-à-dire que les poissons sont pareils. Les poissons sont dans des grandes nasses. Et dans ces nasses, il y a les résidus de nourriture qu'on leur donne. Il y a les résidus d'antibiotiques, d'hormones, enfin tout ce qu'il y a dedans qui nage là-dedans, les excréments. Donc évidemment, ils sont pleins d'antibiotiques, etc. Donc il faut pas manger de poisson d'élevage. C'est une escroquerie totale en plus, parce que je te le disais tout à l'heure, on nous a dit que les poissons d'élevage, c'était parce qu'il fallait bien nourrir la planète, comme les OGM, et l'élevage des animaux. Mais en fait, quand on regarde bien, il leur faut 5 kilos de poissons de mer pour arriver à faire des farines pour nourrir 1 kilo de poissons d'élevage. Donc, ils sont en train de vider les mers, en fait. Donc, ils vident les mers pour nourrir l'industrie. Pour nourrir l'industrie, c'est tout, quoi. Donc ça, voilà. Ça apparaît fou, parce qu'en plus ça a des conséquences écologiques sur tout le reste, on va dire, de la biodiversité, puisque on vide, par exemple, je sais que du côté du canal du Mozambique, paraît qu'il y a des déserts marins maintenant, parce qu'on a vidé tous les poissons, il n'y a plus rien. Il y a les pangas aussi, c'est hallucinant, quoi, les pangas. Faut aller voir un élevage de pangas. C'est quoi les pangas? Les pangas, c'est des poissons qui sont élevé dans le détroit du Mékong, on dit. Et en fait, ça, c'est des fermes flottantes, et les poissons sont élevés dans des nasses en dessous, et on dirait vraiment des, quand ils ouvrent la trappe, on dirait des seaux d'anguilles, quoi. Il y a des millions et des millions de poissons, et en fait, ils inséminent ces poissons avec de l'urine de femmes enceintes. Parce qu'ils se sont rendus compte que les poissons, les femelles, au lieu de faire, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais par exemple, au lieu de pondre 10 000 œufs, elles vont pondre 1 million d'œufs si elles sont inséminées avec l'urine de femmes enceintes. Donc voilà. Il y a des tas de trucs comme ça qui sont très, très intéressants, quoi. Je regardais quand il y a eu le scandale, parce que c'est pareil, ils nous racontent toujours, ils détournent toujours l'attention. Quand il y a eu l'histoire de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. C'est vrai que moi j'ai toujours eu des chevaux, j'aimerais pas manger du cheval, mais en fait le plus gros problème il est pas là. C'est comme quand on nous parle de traçabilité, le problème n'est pas de savoir si la vache a été élevée en Roumanie, en Grèce ou en France. On s'en fout de ça. Ce qu'on veut savoir, c'est comment elle a été élevée. Est-ce qu'elle a été nourrie avec des OGM? Est-ce qu'elle est bourrée d'antibiotiques? C'est ça qui est important pour nous. Après, qu'elle vienne de n'importe quel pays, on s'en tape un peu. Mais justement, ils attirent toujours notre attention sur des trucs qui sont... Et en même temps, il y avait eu un scandale. Je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient retrouvé des bactéries fécales dans des tartes au chocolat chez IKEA. Ah oui, je me souviens de ça. Oui. Et moi, sur le coup, ça m'avait fait rire. J'avais dit, bon, il y a un mec qui était à l'usine, il a dû aller aux toilettes, il s'est mal lavé les mains. Après, j'ai appris qu'il y avait 7000 tartes. Donc, ça pouvait pas être un mec tout seul, quoi. Ça pouvait pas être un accident, voilà, 7000 tartes. Et donc, je me suis tapé toute la liste des additifs pour voir avec quoi était fait chaque additif. Il y en a 5. Enfin, j'en ai trouvé 5, il y en a peut-être plus. C'est marqué noir sur blanc dans la composition de l'additif que c'est fait avec des bactéries qui sont dans les excréments humains. Et ces additifs ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est normal, pour eux, c'est normal de faire des additifs avec de la merde. Je suis choqué de cette histoire. Donc, c'est des additifs faits avec des excréments humains. Oui. C'est parce que je me souviens de ce scandale qu'on avait retrouvé ça dans des chaînes d'IKEA, je crois. C'est marqué dans la composition de l'additif, bactéries, coliformes, etc. Bon, quand on regarde un petit peu ce que ça veut dire que ce sont des bactéries qu'on retrouve à l'intérieur des excréments humains. Et ça, on en met dans la bouffe qu'on mange tous les jours. Comme il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Symantec ou un truc comme ça. Ils viennent de recevoir leur homologation pour entrer en bourse et tout. Et ils fabriquent de la gélatine avec les fœtus qu'ils vont chercher dans les maternités où il y a des avortements. Mais quel intérêt de mettre ça après dans la nourriture? Ah ben, probablement. Mais ils ont bien mis de l'huile de vidange dans les poulets. Oui, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent mettre pour nourrir les bêtes et qui leur coûte pas cher ou qui leur coûte rien, ils le mettent, ils s'en foutent. Non mais c'est quand même. Là, je trouve qu'on dépasse, mais on est vraiment. Oui, mais c'est grave parce que par exemple cette gélatine, elle est dans les bonbons bon marché que mangent nos enfants. Ouais. Alors un, c'est dégueulasse. Mais en plus de ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un humain est en train de manger des bonbons avec de la gélatine qui est faite avec des fœtus d'êtres humains. Karmiquement, c'est pas bon non plus, quoi. Je comprends pas, il n'y a pas de législation qui peut les... Mais c'est autorisé. C'est pour ça que je dis aux gens, informez-vous. Ouais. Regardez, allez chercher quand un truc vous paraît bizarre, parce qu'on trouve toujours, mais quand on trouve, c'est pas un truc qui est interdit. Ouais. C'est pas quelque chose d'interdit, c'est dans la liste des adjuvants, dans la liste des additifs, c'est marqué. Ouais. Et ça a été autorisé. C'est quand même. Moi, je suis un peu vraiment abasourdi, quoi. Je savais qu'ils utilisaient certaines choses comme ça, mais alors carrément dans les bonbons, dans l'alimentaire, parce qu'on parlait un peu en off aussi des additifs que. Il y a une quantité donc d'éléments qui sont ajoutés. Ah, mais ça c'est encore extraordinaire parce que quand on se tape la liste des additifs comme je l'ai fait, il y a avec quoi ils sont fabriqués et il y a aussi marqué quels effets ils ont. C'est-à-dire il y en a qui sont cancérigènes, il y en a qui déclenchent de l'hyperactivité chez les enfants, il y en a il y a marqué la liste des maladies, à chaque additif, il y a marqué la liste des maladies qui risquent de, comme dans les notices des médicaments. Et après ils nous disent, mais c'est marqué dans la notice, vous l'avez pas vu. Le problème c'est qu'on peut, avant de mettre le nez dedans, enfin moi en tout cas, j'étais loin de pouvoir imaginer qu'ils pouvaient faire des trucs pareils, quoi. Ouais, l'ampleur, ouais, c'est ça, c'est tous ceux qui et vont... puis même, enfin, je veux dire, le commun des mortels, on n'est pas si tordus que ça, nous. On n'irait pas, je vois pas la mère de famille fabriquer un gâteau en allant chercher même le fœtus de son chat qui a avorté, quoi, on le fera pas. Ah ouais. Parce que, alors oui, je me suis trompé, petite précision, pour pirate, c'était pas un vaccin, un spray, j'ai dit un vaccin, mais c'était un spray, mais bon, on pensait à peu près la même chose. Et, comment dire... La viande, c'est aussi le poisson, oui, oui. On dit ça, c'est-à-dire le poisson, maintenant, après Fukushima et tout... Il n'y a plus rien, en fait, c'est ça. Alors, la viande, on évite. Le poisson, il est suspect. Les légumes, il ne faut surtout pas qu'il y ait de pesticides. Mais maintenant, on a un autre problème, c'est les épandages. C'est-à-dire que maintenant, il faut en plus cultiver sous serre. Et après, on va arroser. Parce que comme les nappes phréatiques sont totalement contaminées... Contaminées, oui. Avec quoi on va arroser? C'est ça le problème, quoi. On a une espèce de cercle vicieux, mais j'ai envie de dire mortifère, un peu. Ouais. C'est bien ça, ouais. Ouais, parce que on se fait vacciner, et puis après, on va manger des légumes aux pesticides et remplis de... Et les bonbons aux fœtus humains. Des bonbons aux fœtus humains. Et les tartes au caca. Ça devient... C'est presque un film d'horreur, mais on a l'impression que c'est pareil, tellement c'est... Non, mais c'est dramatique, parce que franchement, honnêtement, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. On peut juste essayer de se protéger un maximum, mais comment? On me dit la confiture fabriquée avec des vieux chiffons aussi. Ouais. Oui, j'ai vu un reportage l'autre nuit où je ne dormais pas. Il y avait un reportage parce que quand je voyais bio venant d'Espagne, en général, j'achète pas parce que quand je vois l'Espagne, c'est un pays où il y a... Oui, problème de son, voilà, on a un petit œil avec les piles ce soir, évidemment. Oui, bah ouais, je sais pas, il y a des fantômes, on me dit, qui pompent toute l'énergie dans le studio, faut croire, mon cher Zerlawen. Alors il y a Scorpion, oui, il nous a mis le lien vers le caca burger, des excréments humains faits par un japonais. Un burger à base d'excréments humains, apparemment. Bon, bah, mon cher Scorpion, on ira voir ce lien horrible. Quel est l'intérêt de manger un burger, alors, parce que... Bah les burgers, de toute façon, bon... Jamais assez le répéter, mais tous les McDo, tout ça, bon, faut proscrire, quoi. C'est même pas la peine, c'est ce qu'il y a de pire. Il y a Pif qui nous dit qu'il avait acheté du beurre avec conçu à Paris à partir de farine de poisson pour sa plus grande composition. Et c'était le beurre le moins cher. Voilà. Ah oui, ça, je sais bien que tout est cher, mais je pense qu'on a. Dans nos générations, on a perdu de vue une chose, c'est qu'avant les gens. la nourriture, c'était vraiment le poste le plus important dans les familles. Maintenant, tout le monde essaye d'acheter la nourriture la moins chère possible. Et d'ailleurs, tout est fait pour nous faire faire ça. Ouais. C'est-à-dire, on nous fait acheter les paquets par trois. C'est moins cher si on achète quatre boîtes de sardines. Mais finalement, faut se méfier quand c'est pas cher parce que c'est sûr que on va pas acheter un hachis parmentier avec de l'épaule d'agneau si on l'achète à 2 €, quoi. C'est évident. Donc en général, quand c'est pas cher, quand c'est cher, on n'est pas sûr que ce soit bon, mais quand c'est pas cher, on est sûr que c'est mauvais, quoi. Ouais, c'est ça. Puis avec le développement de toutes ces chaînes, on sait Hard Discount qui nous vendent comme ça des produits dont l'origine est un peu douteuse. Hein. On parlait de. Ah oui, c'est ça que je disais. Donc j'essaye de pas acheter du bio d'Espagne parce que c'est vrai que les OGM sont cultivés à côté des pas OGM, les distances sont pas respectées, Et tout le monde sait que la pollution des OGM est très très rapide et très facile. Mais donc j'achetais des fois des trucs venant d'Italie. Et l'autre nuit, je ne dormais pas et je suis tombée sur un reportage sur la mafia italienne qui en fait avait enfoui en grand secret pendant des années des tas de trucs radioactifs, de déchets, d'usines, etc. dans plein de champs. Et maintenant, ils cultivaient du bio dessus. Donc j'ai dit bon alors c'est vraiment bref, ils font presque de l'humour quand ils font des choses comme ça. Ils sont assez énormes. Alors on me dit le médoc au canard, c'est pas pour soigner mais pour soulager les douleurs, parce qu'ils insistent beaucoup, c'est vrai, sur je crois qu'il y a une, alors je sais pas s'il y a confirmation, j'avais vu un truc passer là-dessus sur une dépénalisation de l'utilisation du cannabis thérapeutique en France. Ça existe déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait longtemps. Voilà, ils ont dit qu'ils allaient le faire en France. Ils sont, alors moi je sais pas si j'ai confirmation, mais j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Peut-être que vous avez plus d'infos, mais j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Oui, non, moi j'ai entendu comme vous. Enfin, ils sortent des nouveautés tout le temps. L'autre fois, j'ai vu aussi. En fait, quand la viande industrielle, comme elle est vraiment dégueulasse, ils la trempent dans de l'eau de Javel ou dans de l'eau oxygénée, où elle est irradiée aussi. Enfin, c'est très souvent irradié. Pour qu'elle puisse rester dans les barquettes sans pourrir pendant je sais pas combien de temps. Et l'autre fois, j'ai vu, ils ont trouvé un virus qui bouffe les bactéries. Donc maintenant, ils étaient tout contents, ça faisait partie des découvertes de l'année aux États-Unis sur Fox TV, hein, c'est une chaîne. Et ils disaient qu'ils avaient fait une découverte extraordinaire. Maintenant, ils avaient un spray avec une bactérie, avec un virus qui bouffait les bactéries. Donc maintenant, ils aspergent la viande de ce spray avec le virus pour qu'elle bouffe les bactéries qu'il y a sur la viande. Mais personne ne sait ce que ça va faire à l'intérieur de notre corps, ça non plus, tu vois. Ils bouffent tout, en plus, peut-être qu'il y a des bactéries qui sont bonnes aussi, non ? Oui, justement, non, mais on ne sait pas ce que c'est. J'ai vu aussi qu'ils voulaient faire un poison OGM, un saumon énorme. Ah, mais énorme. Ça y est, que ça se battait contre, non, mais non, il a donné l'autorisation aux États-Unis, finalement. C'est fait, oui. Ah, oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient contre, hein, aux États-Unis. Il y avait une espèce de levée de bouclier quand même contre cette affaire. Parce qu'il paraît que si un seul spécimen réussissait, par exemple, à s'échapper, c'est terminé. Il n'y a plus aucun saumon normal sur la planète. De toute façon, déjà, il y a un problème avec les élevages de poissons industriels. Parce qu'il y en a qui arrivent à passer entre les mailles des filets. Et donc, ils peuvent contaminer les poissons sauvages. Sauvages, voilà. Parce que donc il n'y aurait plus à terme de poissons sauvages, on va modifier génétiquement tous les poissons de la planète. C'est... Oui, mais on va modifier les humains aussi, si ça continue, donc je veux dire. On est mal barré. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Claire, n'êtes pas en France, c'est une rumeur. Je fais partie de l'association des sclérosés. Les labos attendent d'avoir une offre commerciale avant que cela ne soit autorisé. Bon bah ils parlent certainement du fameux spray pour les sclérosés. Ben voilà, on nous donne une petite info en direct. On nous dit en Chine, des personnes travaillant dans la restauration récoltent l'eau des égouts souillée à la vue de tout le monde pour en faire de l'huile qui sera utilisée dans la vente de plats destinés aux humains. Et voilà, il met l'article. C'est vrai qu'il y a de plus en plus... Oh, c'est horrible. Ben, en Chine, il y a eu pas mal de scandales alimentaires. Hein. Il y a eu l'affaire des beignets aussi. Je sais que c'était à Shanghai, le matin, les gens avaient pris des beignets. Il y a eu 30 morts, je crois, un truc comme ça, avec une bactérie qui traînait dans les beignets. On avait vu la bactérie pour le lait aussi, pour les enfants, ah oui, on oui, se souvient. Oui, de oui, ça, oui. C'était en Chine aussi, justement. Mmh. c'est de plus en plus courant, ce genre de... On peut dire que c'est quoi, des accidents, des... C'est, oh. Ouais, comment on peut... Ouais, enfin, ouais. Les accidents ouais. Quand tu vas chercher l'huile de vidange et que tu la donnes dans la pâtée à tes poulets, c'est pas un accident. C'est plus un accident. C'est vraiment voulu. Parce que j'ai vu que même, alors ça c'est une vieille affaire maintenant, qui remonte à plusieurs années, mais l'Union européenne avait autorisé en fait qu'on mette dans l'huile traditionnelle, hein, l'huile qui est utilisée pour tout le monde, votre huile pour faire cuire vos aliments, qu'on mette une partie d'huile de vidange. Parce qu'ils avaient repéré un taux d'huile de vidange très anormal au-dessus de la moyenne. Oui, alors c'est ce qu'ils font ça maintenant aussi. La grande mode, c'est quand ils disent, par exemple, la grosse escroquerie, c'est de dire, mais quand ils se font choper, ils disent, mais de toute immédiatement, la phrase d'après, ils disent, mais ça n'est pas nocif pour les humains. À ce niveau-là, ça n'est pas nocif pour les humains. Le problème, c'est que quand on ingurgite 10 aliments dans la journée qui ont chacun un truc de nocif, je veux dire, nous, à la fin de la journée, on a tout récupéré, quoi. Donc, c'est pour ça que... tant qu'ils continueront, de toute façon, tant qu'on continuera à manger ce genre de truc, c'est sûr qu'on sera malade. Ça m'ignorait pour le moment, c'est sûr. Alors, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a aussi, parallèlement, il y a aussi la soi-disant crise économique, ouais, qui fait que maintenant on est essoré, on peut plus. Enfin, je veux dire, les gens sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches et les classes moyennes deviennent très pauvres. Donc, ça pousse tout ça aussi les gens à aller acheter des aliments qui sont de moins en moins chers. Mmh. Et donc, ça fixe une clientèle sur des trucs qui sont absolument dégueulasses à manger. Oui, parce qu'on parlait par exemple de l'aspartame aussi, donc ça, c'est quelque chose... Mais l'aspartame, c'est pareil, il suffit d'aller voir une ou deux analyses, on s'aperçoit que l'aspartame, c'est un poison violent à 30 degrés. Or, les gens qui utilisent de l'aspartame les trois quarts du temps sont des gens qui veulent faire des régimes et qui mettent une sucrète dans leur café. Donc déjà, ils se fabriquent un poison immédiatement, c'est clair. Si les bouteilles de coca, etc. restent ou de soda restent sur un parking de supermarché au soleil, c'est fini. C'est pareil, c'est resté au soleil et c'est cancérigène. Oui, parce qu'en plus, ceux qui prennent le coca zéro, ils pensent que vraiment il n'y a pas de sucre dedans, mais en fait c'est bourré d'aspartame, c'est ça. Le nom est un peu trompeur, coca zéro, on croit. Mais tout est trompeur, oui. même dans les magasins bio. Hein, l'autre jour, on a voulu essayer... Des trucs sans gluten. Mmh. Mais donc on a acheté plein de trucs sans gluten. Déjà c'est absolument dégueulasse. Il faut être vraiment obligé de manger sans gluten pour pouvoir. Parce que la consistance et le goût est vraiment pas bon. Mais en plus quand on retourne, parce que le premier truc que j'ai goûté, c'était très sucré. Quand on retourne, on s'aperçoit que parce que sans gluten, c'est pas bon, ils rajoutent des tonnes de sucre. Donc ça revient même. On n'est pas empoisonné par un truc, on est empoisonné par l'autre. Donc la seule chose qu'il faut, le minimum qu'on puisse faire, c'est surtout de ne rien acheter de préparé et d'acheter ses poireaux, ses carottes, son truc et de savoir au moins ce qu'on mange. Après, on ne peut pas être garanti qu'il n'y aura pas de pesticides, de machin. Il y a forcément un pourcentage d'erreur, mais un pourcentage de... même dans les plats bio, puisque... On a eu, Gilles a dû vous le dire, on en parlait l'autre jour, mais comment elle s'appelle, Christine Lagarde, qui était restée un mois au ministère de l'Agriculture, de mai 2007 à juin 2007, elle est restée un mois, le temps de faire passer une loi qui disait qu'on avait le droit de mettre 0,9% d'OGM, dans les trucs bio. Dans les trucs bio, oui. Parce que ça, c'était pour, apparemment... Ouais, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus pour dire que pour permettre aux industriels finalement de pouvoir faire, parce que s'ils n'avaient pas cette loi-là, c'était pas intéressant pour les industriels de se lancer dans le créneau du bio, quoi, de pouvoir ajouter un peu de saloperie. Bah oui, forcément. C'est encore une grande philanthrope, j'imagine, Madame Lagarde. Alors on nous dit au niveau du chat, par exemple, top 10 des scandales alimentaires au Chine, le lait à la mélamine, thé aux pesticides, ouais, faux œufs de poule au carbonate de calcium, poudre de pâtre, cire de paraffine, riz au plastique, faux bœuf à base de porc et faux fromage, et de borax, fromage reconstitué, la viande reconstituée, c'est extraordinaire aussi. Ils prennent tous les bas morceaux, ils les mettent dans un plastique et ils saupoudrent d'une poudre qui s'appelle Aviva, je crois, et ils mettent ça au frais Et ça ressort comme un rhum steak ou comme un morceau de viande entier. Ils ont vraiment des inventions incroyables. J'ai vu aussi, alors on parlait tout à l'heure des abattages, on nous en parle un peu aussi sur le chat. Les nouvelles, on a vu cette forme-là d'abattage où on met de la mousse comme ça dans un énorme, on dirait une batterie à volailles, là où il y a toutes les voyelles. Et c'est une énorme mousse comme ça qui envahit donc tout l'espace. Et les volailles sont toutes noyées, puis après on retire tout, hop, on retire les cadavres et on nettoie tout. J'ai trouvé ça horrible, horrible. Et ça a circulé pas non, mal. Non mais c'est horrible, c'est vrai que c'est horrible. Il semble en plus qu'évidemment, ce qu'on se dit, c'est qu'avec le marché transatlantique, c'est des choses qui vont arriver en Europe. Alors ça va être épouvantable parce qu'on ne pourra plus rien dire. C'est-à-dire que déjà là, on paye, par exemple, pour ne pas avoir voulu le bœuf aux hormones en France. Je crois qu'on paye 116 millions de dollars par an. Ah oui, d'amende. Ah oui, auprès de la Cour de justice. Mais là, on ne pourra plus rien dire. C'est-à-dire que là, on va nous dire, ben, comme on nous dit à chaque élection, et là, on ne nous a même pas consulté, mais on va nous dire, ben, puisque le marché transatlantique, vous l'avez voulu, puisque vous avez élu un gouvernement qui est d'accord avec le marché transatlantique, vous n'avez plus rien à dire. Ouais. Le marché transatlantique est là, il fonctionne, et on ne pourra plus rien dire, ni pour les OGM, ni pour toutes les autres. Ils vont nous faire passer, ça fait vraiment partie du projet, ça, de faire passer en force sur ces problématiques-là. Mmh. Parce que le bœuf aux hormones, alors toi qui as vécu en plus aux États-Unis, tu connais bien cette problématique, puisque ça fait longtemps qu'ils en mangent. Ah oui, bah ça et les OGM et tout. Eux, ça fait très longtemps qu'ils sont gavés à ça. Et je sais que, bon, pour eux, vu de là-bas, ils avaient une vision un peu, les Français, hystériques sur ces questions, qui disaient, oui, vous êtes trop hystériques sur ces questions, les Français, sur les questions... Oui, ben là, regarde le pourcentage de gens obèses qui a... Et alors, là, c'est pour ça que c'est compliqué d'enquêter, parce qu'il faut trouver des preuves, mais franchement, il faut un jour où vous avez le temps, regarder sur n'importe quel sujet, c'est assez extraordinaire. Par exemple, le sucre, l'autre jour, j'ai appelé Gilles d'ailleurs, parce que j'étais suffoquée. Je sais pas comment, en pleine nuit, je cherchais un truc sur le diabète. Et donc je vois plein de communications de l'OMS qui disaient le diabète, c'est épouvantable. Il y a 15% des enfants qui ont du diabète qui sont obèses. Et en 2025, il y en aura 30 ou 40%. Donc il faut absolument faire quelque chose. Il faut absolument, c'est la priorité de l'OMS dans les années qui viennent, etc. Et en même temps, je tombe sur un document où il y avait marqué « Payons Céduce », qui était dans le même amalgame de documents, mais je ne savais pas ce que c'était. Mais comme il y avait Payons, je suis allée voir. Et en fait, Céduce, c'est l'organisme qui centralise tous les gens qui sont dans l'industrie sucrière. Et toute l'industrie sucrière, en fait. Et Payons Céduce, c'est un accord que Payons a fait l'année dernière, qui est valable 5 ans, c'est un accord cadre, où il confie au Céduce des conférences dans toutes les écoles pour sensibiliser les enseignants, les enfants et les parents des enfants scolarisés à la diététique. C'est-à-dire qu'il confie à l'industrie sucrière l'éducation en diététique de nos enfants et de nos enseignants. C'est quand même extraordinaire. C'est comme si tu laisses le poulailler gardé par un renard. Et évidemment, ils te disent non, mais le sucre n'est pas dangereux. Bon, on voit des pubs à la télé sur le sucre. Le sucre, c'est la vie. J'avais vu un truc. Les produits laitiers sont des amis pour la vie. Manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Oui. Parce que c'est de la propagande quand même. Moi j'ai envie de dire qu'on, là pour le coup, si demain on découvre tous ces effets néfastes, on pourra dire qu'il y a des responsables, parce qu'il y a des gens qui ont encouragé cette consommation. Vraiment, c'est pas anodin quand même. On nous dit clairement le sucre, allez-y, c'est rien, le sucre c'est la vie. On nous montre des photos de café, de tarte, on nous dit imaginez s'il n'y avait pas de sucre. Et évidemment, notre association d'esprit, on voit grosse tarte aux fraises. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on entend dans les médias mainstream, c'est pas de l'info, c'est de l'intox. C'est-à-dire, ils nous disent ce qu'on est censé savoir pour faire fonctionner le système comme ils ont envie que le système fonctionne et dans leur intérêt à eux. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. C'est-à-dire qu'après, on n'écoute plus rien de ce qu'ils disent et surtout quand on écoute, on ne les croit pas déjà d'entrée. Parce que tout est propagande. Rien n'est la réalité. je veux dire, que ce soit même en politique, même quand on regarde les élections, etc., quand on regarde le Parlement européen, enfin, j'ai enquêté à un moment donné sur le Parlement européen, on y est allé avec Marion Sigaud, on est allé interviewer Nigel Farage et tout ça. Mais c'est pareil, c'est hallucinant. Le Parlement européen, ils ont mis le projet de côté quand même, parce que ça gueulait un peu, en nous disant d'un côté qu'il y avait la crise économique et qu'il fallait absolument que tout le monde mette la main à la pâte et tout le monde participe et tout le monde se serre la ceinture. Ils étaient en train de construire une piscine qui coûtait 9,6 millions d'euros et il l'a justifié en disant que c'était une piscine verte, écolo, et qu'il valait mieux que nos députés soient en bonne santé qu'en mauvaise santé pour nous défendre, etc. Et cerise sur le gâteau, à un moment donné, et le projet existait, hein, ça avait été confié à une société hollandaise pour la construire, etc. Et ils disaient qu'ils allaient installer des tapis roulants, des tapis de course et des vélos pour que les députés, en pédalant, fournissent l'électricité au Parlement européen. Si c'est pas nous prendre pour des cons... Là, ça va très loin quand même. Il y a une salle aussi, il y a une espèce, donc moi j'avais enquêté dessus mais je l'avais pas vu. Quand on y est allé avec Marion, on l'a vu. Il y a une espèce d'amphithéâtre, c'est comme les cinémas de boulevard, tu vois, il y a un grand bandeau avec des trucs illuminés qui clignotent dans tous les sens. Et je dis c'est quoi ça, elle me dit ah ben ça c'est le, alors c'est effectivement, c'est le truc que j'avais trouvé moi dans mon enquête, c'est un, ils ont fait une maison pour que le public puisse voir comment travaillaient les députés. Alors déjà c'est à mourir de rire, parce que comment travaillent les députés, tout le monde les a vus. Hein. Ils dorment ou ils font les mots croisés. Et de toute façon, ils n'ont pas de pouvoir. Et donc ça a coûté 15 millions 9. Pour l'instant, ils en sont à 15 millions 9. C'est toujours pas ouvert. Il y a 1 million par an de médailles. Pour les gens qui partent du Parlement européen, on leur offre des médailles. Ça coûte un million. Il y a 203 millions par an de communication entre le Parlement de Strasbourg et le Parlement de Bruxelles. On se demande ce qu'il faudrait s'il n'y avait pas Internet, tu vois, parce que je ne vois pas ce qui peut leur coûter 2,3 millions pour communiquer entre les deux maintenant, tu vois, avec les ordinateurs, avec la technologie numérique. Et tout est comme ça, quoi. Et après, ils viennent nous dire à nous, alors là, c'est pareil, après, ils viennent nous dire à nous, et ne vous rendez pas compte, il y a une crise, il faut que tout le monde participe, etc. Donc, parce qu'en plus, aujourd'hui, vu qu'on sait que tout se joue au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles, on sait que c'est le centre des lobbies, que les lobbies font partie intégrante du système institutionnel. Il y a trois fois plus de lobbyistes que de députés, voilà. C'est ça, il y a je ne sais plus combien de députés par lobbyiste. Et de toute façon, c'est le commissaire qui vote. En plus. Donc, je veux dire, je ne vois pas très bien à quoi ça sert non plus. Bah, les commissaires aussi, apparemment, sont assaillis par les lobbies, mais... Ils sont plus prompts même à accepter. Alors, il y a eu des scandales. On sait, ce commissaire slovaque qui avait accepté des dessous de table justement pour faire passer certains amendements concernant... Alors justement, il croyait que c'était des additifs alimentaires, quelque chose comme ça. Et le député avait passé son amendement. Un amendement qui est passé, hein, vous voyez. Hein, quand on me dit, nous, on fait des blagues qui tournent mal. Mais alors, eux, ils ont fait... C'était une télé qui avait fait ça, une télé allemande. Ils ont voulu corrompre, en fait, ce commissaire européen. Et l'amendement est réellement passé avant qu'il lui ait donné l'argent, en plus. Donc, du coup, ça fait... Scandale absolu, quoi. D'ailleurs, il a dû démissionner. Hein. Il a dû, dans son pays, ça avait fait scandale. Il a pris de l'argent, voilà. Mais c'est le système des lobbies, toujours, pour faire accepter... J'ai vu aussi sur la viande clonée. Ça aussi, c'est un grand problème, la viande clonée. Parce qu'on en mange, apparemment, à notre insu. Parce qu'il paraît qu'on peut l'importer des États-Unis. C'est comme les OGM. C'est-à-dire que non, c'est très hypocrite. Parce qu'on n'a pas le droit de cultiver des OGM en France. Mais on a le droit de les importer. Donc en fait, le bétail, justement, tous les élevages industriels, tout le monde sait qu'ils sont nourris avec du soja ou du maïs transgénique. Mais ça, c'est aussi, c'est quand même extraordinaire. Ouais. On n'a pas le droit d'en cultiver, donc vous êtes à l'abri des OGM. Mais t'as les cargos qui partent d'Argentine toute la journée avec du soja transgénique qui viennent nourrir nos bêtes. Et puis après, avec le surplus de lait, parce que nos bêtes, il y en a trop, donc ils achètent la viande 3 francs 6 sous aux paysans. Et avec la viande qui est en trop, enfin avec le lait qui est en trop, par exemple, ils font du lait en poudre qu'ils envoient dans les pays d'Afrique où l'eau n'est pas potable, tu vois, par exemple. C'est d'une grande logique, ça aussi, tu vois. C'est, c'est vraiment un système un peu infernal, si j'ose dire. Ouais. On nous dit l'aspartame plastifie des zones du cerveau. Oui, ça a des effets de l'aspartame, parce que c'est vraiment très dangereux, l'aspartame. Hein. C'est un poison, comme tu l'as dit. Et moi, j'ai ri pendant des années, parce que j'ai vécu 12 ans en Californie, et sur toutes les tables, il y avait du NutraSweet, qui est de l'aspartame, et au dos, il y avait marqué « ce produit est cancérigène ». Mais quand t'es pas au courant, moi, à l'époque, j'étais pas du tout au courant de tout ça, et je me disais « ouais, il rigole, si c'était vraiment cancérigène, il ne le mettrait pas sur la table. » Sur la table. C'est ce que tout le monde se dit, mais si. Puis après, ils te disent, c'était marqué. Hein. Oui, c'est extraordinaire quand même, parce que même après, si tu te plains, on va dire, oui, mais écoute, on te l'avait dit que c'était cancérigène. Mais c'est quand même autorisé, quoi, parce que l'aspartame, c'est assez politique quand même, parce que c'était... C'est Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, voilà. C'est-à-dire que lui, la première fois qu'il a été au gouvernement Bush, il a fait passer l'aspartame, dont personne voulait. Mais ça appartenait à une société qui s'appelait Steel et dont il était où il avait de forts intérêts dedans. Donc en fait il est devenu manager où il a racheté Steel, je sais plus, et il a fait passer l'aspartame. Et le coup d'après, quand il est revenu au gouvernement de Bush Junior, il a fait passer le Tamiflu, qui était un truc dont personne ne voulait non plus, mais qui est devenu soi-disant le médicament miracle pour la grippe. Contre la grippe. Oui, le fameux Tamiflu qu'on a commandé en masse, c'est oui. Ça, des tonnes de Tamiflu. Il faut bien céder entre amis quand même. Il faut bien qu'ils cèdent entre eux. Oui, c'est pas pour rien qu'ils se réunissent derrière notre dos dans des sociétés, c'est bien pour faire du business, c'est pas pour se raconter leur vie. Et alors, on nous demande, alors une question, et c'est vrai que je pense qu'elle intéresse beaucoup de gens, on nous dit, qu'est-ce que tu penses de l'abattage rituel? Alors, on en avait parlé, justement, pour ceux qui ont suivi l'émission avec Gilles, mais toi aussi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que lui, il avait l'air de dire que c'était un peu n'importe quoi, que l'abattage rituel, ça ne respectait pas... En France, on ne respectait pas trop les règles d'un abattage rituel. Mais franchement, je ne suis pas très au courant de l'abattage rituel. Enfin, je ne suis pas très au courant. Je ne sais pas s'ils respectent ou pas. Mmh. Moi, personnellement, je comprends qu'il y a une partie de la population... pour qui ça a une certaine valeur. Moi, personnellement, je ne peux pas être pour. Mais ni celui-là, ni un autre. Mais enfin, tout ce qui fait souffrir les bêtes encore plus, je veux dire, c'est... Parce que ça avait été démontré, de toute façon, même que la chaîne Père Dodu faisait du poulet halal. Alors, ça veut dire que dans la même usine, on faisait un poulet qui était halal et un poulet qui n'était pas halal. Simplement, on sait que, ils séparaient les chaînes et tout, c'est tout quoi. Ça c'est comme les légumes, hein. Quand tu fais des OGM et pas des OGM à côté, t'imagines bien que ça va, que je veux dire, les cloisons sont pas étanches. Hein. Là va contaminer l'autre, si j'ose dire. Alors. Moi je pense qu'il faudrait qu'on revienne à un peu plus de raison, c'est-à-dire que avant je suis contre la chasse aussi, mais je veux dire. Quand j'étais petite et que j'habitais à la campagne, les hommes chassaient, mais ils chassaient très peu. Déjà, c'était plus un sport que pour abattre des animaux, pour les tuer vraiment. Et quand ils tuaient un lièvre, ils n'avaient pas, je veux dire, il y avait la télévision n'était pas scalée, il n'y avait pas les loisirs qu'il y a maintenant. Quand ils tuaient un lièvre, ils invitaient leurs 20 copains dans le village et c'était une fête. Mais ils tuaient un animal par semaine et des fois deux animaux par mois et c'est tout. Maintenant, je vois, j'habite à la campagne aussi, mais pas loin de Paris, et tout près d'un château qui fait des chasses comme ça. Et c'est épouvantable parce que là, par exemple, ils élèvent des faisans. Le matin, à 7h, ils mettent 80 000 faisans, ils larguent 80 000 faisans. Et à 11h, les mecs, ils arrivent et ils tuent comme ça. Mais les faisans, ils savent même pas, ils ont été nourris par des hommes, ils peuvent pas savoir que les hommes avec un fusil, c'est dangereux. Donc c'est et les trois quarts du temps, je veux dire, ils ne le mangent pas. Ils tuent des animaux pour les tuer, ils ne les mangent pas. Et les trois quarts du temps, ils disent aux gens du village, vous en voulez parce qu'on sait pas quoi en faire, et ils les foutent à la poubelle. Donc c'est juste pour tuer et puis foutre à la poubelle. C'est juste le plaisir d'aller shooter. C'est le respect de la vie, quoi. Je veux dire, la nature, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ça. Donc toi, oui, tu serais pour une interdiction de la chasse au point à ce point. Ah, moi, oui. Ouais. En tout cas, celle-là. Hein. Ouais. Autant si les gens ont besoin de se nourrir, je veux dire, qu'ils tuent un animal comme faisaient nos ancêtres et nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, oui. Mais tuer pour tuer, même dans les élevages industriels, je trouve ça lamentable. Je veux dire, maintenant, les gens ont perdu le lien qu'il y a entre les animaux et nous. C'est-à-dire, ce sont des êtres vivants. Je ne sais plus qui a dit que quand on tuait un animal, il fallait qu'on ait plus de plaisir à le manger qu'il n'en avait à vivre. Et je trouve que c'est une très belle phrase, parce que c'est un respect total de la nature, de ce que la nature nous a donné. Et c'est du gaspillage. Maintenant, les trois quarts des gens vont dans les supermarchés, ils achètent des barquettes avec 12 pilons de poulet ou 4 cuisses, etc. Mais ils ont perdu même la conscience que c'est un animal qui, il n'y a pas longtemps, courait, etc. Quoi. Je veux dire, maintenant, il n'y a plus la tête quand on achète un poulet. Il y a plus... Les gens ont oublié que c'était un animal vivant. C'est-à-dire, ils sont capables d'acheter ça et puis de le laisser pourrir au frigidaire et de le jeter. Combien il y a de tonnes de nourriture qui sont jetées en France tous les jours? Oui, bah, on a passé un reportage là-dessus, c'est effrayant. Bah, voilà, c'est donc, effrayant. Je dirais, élever des animaux juste pour les tuer et pour les foutre à la poubelle, je trouve ça insensé. C'est vraiment... tous les mots qui nous arrivent, on est parfaitement responsable, on est totalement responsable. Et le problème, c'est qu'on va le payer. On va le payer. On le paye déjà. On le paye déjà, ouais. Mais on va le payer de plus en plus. Mais les gens ne font pas non plus le lien entre ça et toutes les maladies, je veux dire, toutes les maladies qui nous arrivent. On nous demande si les sardines en boîte sont fiables. Ah, ouais, c'est ce qu'il y a de pire, j'imagine. Mais bon. Je ne sais pas. Non, parce que c'est un plat, on va dire, la sardine, c'est le plat classique. Ah, non, le poisson, c'est un gros problème maintenant. C'est un gros problème. Gros problème sur le poisson. Ouais. Bon, on va faire une deuxième petite pause, hein, puisque c'est la deuxième partie. Steph, je pense qu'il est prêt, il est ready. Et ben, on fait la deuxième petite pause et on revient rester connecté à tout de suite sur la libre antenne. Vas-y, à toi, Steph. Ok, donc voilà, là ça passe. Donc, petite vidéo du jambon japonais. Merci, Olivier, qui l'a envoyé. Quelle horreur. Non, mais c'est un film de science-fiction un peu. Ouais, là, ça ouvre les horizons, maintenant on saura, on pourra ouvrir les égouts. Ah ouais, pour prendre le ruine. Quelle horreur. On est, ce qu'on se disait, quoi, c'est vraiment... voilà, les gens doivent être horribles. Mon Dieu, quelle horrible, quelle horreur. Cette vidéo, effectivement, avec l'huile, et puis on a vu ce jambon qui met en boule. Ouais, nos enfants nous accuseront, ouais. Ouais, nos enfants absolument nous accuseront sur l'état de l'agriculture française, ouais. Surtout. Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai vu une phrase d'ailleurs qui disait oui, c'est pas quel monde on laissera à nos enfants, mais quel enfant on laissera à notre monde. Ouais. Et je sais que toi, t'es impliqué aussi, on t'a vu à la conférence des JRE. Oui. Ça, c'est quelque chose voilà, qui... Ça fait partie de la supercherie. Hein. Ouais, ça fait partie de la supercherie dans laquelle on vit, mais c'est très grave. Parce que, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui font l'amalgame, et quand on leur dit qu'on se bat, moi, je me bats aux côtés de Farida et contre la théorie du genre, et inévitablement, je me fais traiter d'homophobe, etc., mais ça n'a rien à voir. C'est le nouveau pendant, c'est après antisémite, oui, voilà, homophobe, oui, voilà. Quand je suis amie avec Soral, je suis antisémite, après je suis fasciste, enfin bref, c'est pas grave. Mais non, ça n'a rien à voir. Je pense que, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai vécu dans 12 ans aux États-Unis, c'est un pays où il n'y avait pas où les homosexuels se cachaient le plus souvent, etc. Et comme par hasard, tout d'un coup, dans l'état où est le monde entier, c'est-à-dire tous les pays du monde entier sont en faillite, on est tous dans une merde noire, et tout d'un coup, il est arrivé, le mariage gay est devenu la priorité dans tous les pays du monde. À la fois, en même temps, plus ou moins. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire, mais en fait, c'est juste une récupération, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est pas le mariage gay, je parle de nos politiques, c'est des politiques du monde entier, ce qui les intéresse, c'est la gestation pour autrui. S'ils avaient dit du jour au lendemain, voilà, la gestation pour autrui va être admise pour tout le monde, ça aurait été un tollé général. Oui. Donc là, ils nous ont, comme d'habitude, ils nous font un paquet cadeau qui est toujours très beau, c'est-à-dire si tu es contre la gestation pour autrui, ça veut dire que tu es homophobe. C'est pas vrai. C'est simplement qu'ils nous disent, mais alors vous êtes contre, on a entendu combien de fois cette phrase dans les médias traditionnel, voilà, traditionnel disons, qui disait oui mais alors ça vous enlève rien et ça oui. apporte l'égalité à tout le monde et ça ne vous enlève rien. C'est pas vrai, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, c'est la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, ça veut dire que qui va empêcher les bienfaiteurs de l'humanité dont on parlait tout à l'heure, qui sont pétés de thunes, comme le Bill Gates, etc., de louer 250 000 ventres et de mettre dedans des embryons qui vont leur appartenir et qui vont être des embryons fabriqués avec, parce qu'il faut le voir avec en parallèle la manipulation génétique. Qui est un fait complètement, enfin qui et donc à partir de ce moment-là, ils vont fabriquer des êtres humains, ils vont avoir le droit sur la procréation humaine et je pense qu'ils veulent avoir la mainmise sur la procréation humaine comme ils l'ont sur celle des animaux, comme ils l'ont sur celle des semences. C'est ça. Et ils veulent absolument avoir ça et ça c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'ils vont fabriquer c'est le meilleur des mondes, ils vont fabriquer des humains qui vont faire ce qui les intéresse et qui vont pas avoir d'autres velléités différentes et donc je trouve ça très et puis je suis contre le fait que je trouve que déjà alors là c'est pareil l'école, je veux dire on n'a jamais eu un pourcentage aussi grand d'illettrés et en priorité dans notre pays, c'est-à-dire que les trois quarts des petits enfants français sont illettrés et ils rentrent en sixième, ils ne savent pas ni écrire ni parler la langue correctement et ils ont la prétention d'apprendre à nos enfants ce qu'ils doivent faire sexuellement, mais où on va. Et je veux dire, quand Farida a fait éclater le scandale, on a vu nos ministres venir à la télévision et dire « Mais c'est pas vrai !» Ils auraient trop pédalé un peu. Najob El-Kassem qui venait et qui disait mais non, mais je n'ai rien à dire sur la théorie du genre parce que ça n'existe pas. Mais alors pourquoi il y a un rapport de l'OMS? Pourquoi le rapport de l'OMS existe qui dit alors évidemment, à ce moment-là, il n'y avait personne qui allait dans les écoles, dans toutes les écoles, pour apprendre aux enfants à se masturber. Certes, ce n'était pas vrai, mais c'est ce qui se profile derrière. Parce que dans le bouquin de l'OMS, c'est bien marqué. Le rapport, il fait 80 pages. Moi, je suis totalement bilingue, je me suis appuyé en entier, le rapport. Page 39, il y a des tableaux avec, à gauche, une colonne qui dit de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, de 6 ans à 9 ans, de 10 ans à 14 ans. La colonne d'à côté, c'est ce que les enfants doivent acquérir. La colonne encore à droite, c'est comment ils doivent l'acquérir et par qui. Et entre 0 et 3 ans, il y a bien marqué qu'ils doivent acquérir la masturbation. Entre 3 et 6 ans, la masturbation sur autrui. Et ainsi de suite. Où on va. Et il y a aussi marqué dans ce rapport que les informations fournies par les parents aux enfants sont des informations informelles. Que seul l'État et l'éducation à l'école peut leur donner des informations formelles. Mais merde! Ouais, parce que, voilà. Je veux dire, qui s'occupe de l'instruction de nos enfants, enfin, de l'instruction et pas de l'éducation. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est une intrusion au fin fond. Mais en plus, il y a 5 ans, n'importe quel parent, il y a 2 ans ou 3 ans, aurait dit à son môme, aurait été pris en train d'apprendre à son môme la masturbation et tombé pour pédophilie. Et on lui retirait ses enfants. Et voilà. Et maintenant, on nous explique que c'est l'école qui va apprendre à nos enfants à se masturber. Et là, c'est pareil, pourquoi on nous ment, pourquoi on nous dit que ça n'existe pas? Bah ça, c'est vrai, le rétropédalage, en plus, elle avait parlé de la théorie du genre dans un grand article dans 20 minutes. Oui, il y a même une vidéo. Il y a une vidéo, en plus, absolument. Elle en parle. Donc, c'était stupide de sa part de dire ça n'existe pas, alors qu'il y avait des preuves. Mais on nous ment, déjà. On nous dit, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et Farida a très bien fait, parce que je veux dire, sinon, on y allait. Comme d'habitude, on ne voit pas les choses arriver, et quand elles sont arrivées, c'est trop tard. Parce qu'on a vu qu'en Allemagne, il y a des parents qui ont été en prison. Oui. Parce qu'ils ont refusé que leur enfant participe à des cours d'éducation sexuelle, bien ça. Oui, absolument. Ça veut dire que, autant se dire, ça risque d'arriver en France quand même, ça peut. Le bouquin de l'OMS, il est très clair. Enfin, je veux dire, le rapport de l'OMS, il y a marqué normes sexuelles pour les enfants européens. Ouais, voilà. Avec notre nouveau super sinistre, on pourra avoir on peut imaginer qu'il puisse envoyer ses commandos, donc pour forcer les gens à aller dans les écoles, quoi. Parce que là, on voit bien que les journées de Farida. Non, et puis quand on regarde bien les choses autour. Pourquoi est-ce que personne n'a dit dans ces médias, justement, c'était très facile de confronter Payon et Najwa Belkacem et Farida et de voir qui apportait les preuves de quoi. Ça, personne ne l'a fait. C'est-à-dire qu'ils disaient, immédiatement, ils ont dit Farida, extrême droite, parce que ami de Soral et ami de Dieudonné. Mais personne n'a dit, venez sur le plateau, voilà, apportez vos preuves et qu'on regarde qui a raison et qui a tort. Donc c'est de la désinformation, de nouveau, flagrante. Oui, sur cette affaire, bah, on en parlait ici, même avec la volonté de certains organes. Moi, je citais par exemple Canal+, qui a été partie prenante et qui a été là pour systématiquement démonter, on va dire, tous les opposants au mariage pour tous. Après, ils ont pris le relais sur cette affaire de la théorie du genre. J'imagine demain, ils prendront le relais encore sur tout ce qui va se débunker au fur et à mesure. Mais ils étaient, je trouve, au pied d'œuvre, en première ligne. Mais on est passé, avant, les gens venaient tous en France de tous les pays parce que c'était l'instruction la plus complète, etc. La culture la plus complète. Maintenant, on est 23e, je crois, sur 24. Notre première université est 23e sur 24 en Europe. Et ils viennent nous dire qu'ils vont expliquer à nos enfants. Alors là, c'est pareil, ils nous ont dit, mais c'est pour qu'il y ait l'égalité entre les garçons et les filles. C'est-à-dire qu'ils veulent nous expliquer que parce que les petits garçons vont jouer à la poupée et les petites filles vont jouer avec des camions de pompiers, ils auront l'égalité des salaires plus tard dans les entreprises. Mais c'est vraiment nous prendre pour des cons, et c'est dans tous les domaines. C'est franchement insupportable. Parce qu'il y a des pays, en plus, comme les pays scandinaves, qui ont appliqué les théories du genre, et ils en reviennent aujourd'hui, parce qu'ils les ont appliquées depuis longtemps. Ouais, eux, ils ont toujours été les pionniers dans plein de trucs, et on nous les a donné un exemple. Un exemple. Mais ils en reviennent, en plus, parce que j'ai vu en Norvège... On ne peut qu'en revenir. Ils en reviennent. À l'heure actuelle, nous, on est en train de l'appliquer, eux en reviennent. Ils disent que... Et ce qui est formidable, d'ailleurs, parce qu'ils disent que avoir appliqué la théorie du genre et demander cette absolue égalité des sexes n'a fait que renforcer les filles, justement, à occuper certaines professions et les garçons des autres. C'est-à-dire que je crois, par exemple, à l'hôpital, on était à 98% de filles dans les fonctions hospitalières générales. Dans les écoles d'ingénieurs, on était à 98% d'hommes. Enfin, on est tombé à des extrêmes, justement, à cause de la théorie du genre. Ouais. Et ils en reviennent. Hein, ils disent, oui, finalement, ça conforte que finalement, il n'y aurait pas une prédestination, mais en tout cas, il y a une attirance. Je ne sais pas comment on peut appeler. J'ai des petites filles autour de moi. J'en avais encore dimanche chez moi. Je veux dire, les petites filles, je suis désolée, elles adorent les fées, elles adorent les princesses, elles adorent s'habiller en princesse. Et bon, alors, effectivement, il y en a qui... Il y a toujours des gens, il y a toujours des petites filles qui voudront jouer aux pompiers et inversement. Mm-hmm. Mais je ne vois pas pourquoi on obligerait les enfants à voir telle chose ou à faire telle chose s'ils n'en ont pas envie. Ouais, parce que c'est ça, je voyais Nadjad Benkassem qui disait oui, il n'y a pas assez de petites filles maçons, par exemple. Mais c'est une aberration. Parce que c'est le summum de l'ambition, c'est de devenir maçon. Je veux dire. Voilà. Non, mais ce qui est dramatique, c'est que ils ont une façon de nous. Dès qu'ils veulent nous faire faire quelque chose, ils nous l'emballent toujours dans un truc très joli pour nous cacher et en fait la réalité des choses. Et ça, je pense que par contre, ils auraient jamais dû s'attaquer aux enfants parce que en s'attaquant aux enfants, ils se sont attaqués aux mères. Et les mères sont, je veux dire, quand on touche à leur progéniture, en général, ça fait très mal, quoi. Parce que là, on nous sort la phrase de Pierre Berger, louer un ventre ou louer des bras, quelle différence? De quoi je me mêle? Déjà, de quoi je me mêle, franchement? Parce que c'est loin quand même. Ce qu'il veut dire là, c'est quand même plein de sens. C'est une. Il a pas fait exprès, je pense. Mais parce qu'on est dans la marchandisation complète. Oui, mais c'est leur, mais totale, c'est leur but. Ouais. C'est leur but. C'est évident que c'est leur but. Ouais, parce que là, on pousse donc la déshumanisation. L'homme ne devient pas plus qu'il a une valeur que cette télécommande et un prix dessus. Finalement, c'est tout, quoi. On n'est plus attaché à ce qui faisait de nous l'humain, donc on respectait l'humain pour l'humain. Non, et puis ce qui est dingue dans tous ces trucs, y compris dans le bouquin de l'OMS, c'est qu'on ne parle jamais d'amour. C'est-à-dire, on parle de procréation, on parle de sexualité, on parle pas d'amour. Or Je veux dire, Schopenhauer l'a dit il y a longtemps, il y a plein de gens qui l'ont dit, que l'amour c'était le leur pour que les gens continuent à procréer et que voilà, c'était la nature qui nous avait fait un tour de passe-passe pour que les gens la race humaine ne s'éteigne pas. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Quand on a envie de faire un enfant, c'est aussi souvent parce qu'on est tombé amoureuse d'un mec, et inversement. Et pourquoi cette dimension est totalement occultée? Pourquoi, je veux dire, s'ils veulent parler du sujet, qu'ils en parlent en entier? Et en plus de ça, je considère que c'est absolument pas leur problème. C'est pas à l'école de s'occuper de ça. Ni de l'éducation des enfants, ni... Maintenant, on a tout, je veux dire, les parents ont complètement abandonné l'éducation et abandonné tout ce qui fait... Avant, il y avait les parents et il y avait l'école. Le savoir, c'est à l'école et les parents, c'est l'éducation. Maintenant, on est en train de nous expliquer que non. Oui, parce que les Français, je me souviens de cette première affaire des mères porteuses, tu as ton souvenir aussi, c'est début des années 90, ça venait des États-Unis bien sûr, hein, puisque c'est là-bas qu'on expérimentait les mères porteuses. Quand ça arrive en France, il y a eu un premier exemple, et d'ailleurs c'était le premier et seul exemple, puisqu'immédiatement après il y a eu une loi qui a interdit justement les mères porteuses, parce que les gens étaient choqués à l'époque, c'était choquant de se dire on va payer quelqu'un pour porter un enfant et que cette femme va abandonner son enfant après comme un vulgaire finalement marchandise ou un œuf, j'ai envie de dire, enfin... Et puis ça, on sait très bien aussi qui va porter ses enfants. C'est des gens qui ont besoin de fric. Qui ont besoin d'argent. Et donc, où elle est l'égalité, où elle est la sauvegarde des humains là-dedans et de la précarité. Je veux dire, d'un côté, ils détruisent et de l'autre, non, ça tient pas debout. Parce que ça, c'est une dimension qu'ils veulent pas voir, de nous dire que finalement, il y a un rapport aussi de lutte sociale. Parce que forcément, les femmes qui vont porter ces enfants seront pauvres. Et ceux qui vont les acheter seront des gens très riches. Enfin, c'est quand même ce rapport-là. Mais on a des gouvernements qui sont humanistes, donc ils vont donner 2 euros de plus par fiche de paye. Donc, c'est pour lutter contre la précarité. Ouais, voilà, ils vont louer. Non, parce que je trouve vraiment, c'est vrai que Pierre Berger allait très loin avec sa phrase, peut-être comme tu dis, sans s'en rendre compte, mais il nous a donné une déshumanisation. Je pense que ça lui est sorti tout seul, mais... C'est le fond de sa pensée, mais franchement, mais là, pareil, je veux dire, si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense qu'on en aurait entendu parler. Hein. Oui, oui. Là, je veux dire, les médias traditionnels, comme tu dis, personne n'a relevé. Hein. C'est juste les dissidents. Autrement, les gens ont trouvé ça tout à fait normal. Alors, on nous demande comment protéger ses enfants. Je crois que comment protéger ses enfants, je crois que la première des choses, c'est apprendre à dire non. Un, se rendre compte qu'on n'est pas informé. On est intoxiqué par ceux qui veulent nous faire faire. Et deuxièmement, il faut apprendre à dire non. Parce que ça fait des années qu'on nous dit il faut manger ça, il faut penser comme ça, il faut sortir à telle heure, il faut regarder tel programme de télé, il faut... Et merde. Je veux dire, avant, les gens se passaient le savoir quand ils apprenaient un truc et quand ils... Pourquoi, je veux dire, ils savaient qu'il fallait planter à la pleine lune ou le lendemain de la pleine lune, etc. Pourquoi maintenant tout ce savoir-là est occulté et je pense qu'il faut revenir aux basiques, aux bases partout et dire non, surtout apprendre à désobéir. Moi, je vois dans les conférences, je pense que c'est le plus gros problème de notre société, c'est-à-dire que les gens sont morts de trouille, ils ont peur d'être malades. Tout le monde, hein, quand je dis les gens, j'en fais partie. On a peur d'être malade, on a peur de tout. Et les gens ont peur de désobéir. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Je suis contre la vaccination, mais qu'est-ce que je fais ?» Mais si tu es contre, je veux dire, quelqu'un qui est contre, il a la réponse, non ? Ouais. Si on leur disait « Voilà un verre d'arsenic, donne-le à ton gosse », il dira « Ah ben non, c'est du poison ». Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile désobéir à l'autorité ? Si l'autorité était bonne, mais de toute façon, elle ne peut pas être bonne. C'est ce qu'ils reprochent aux sectes, mais c'est ce qu'ils font. Je veux dire que la seule chose qu'on puisse donner à nos enfants et à tout être humain, c'est la liberté. Et ça aussi, c'est inscrit dans la Constitution, mais personne ne... Enfin, c'est bafoué toute la journée, personne ne dit rien. Mais je veux dire que les gens, quand je dis les gens, encore une fois, moi y compris, qu'on apprenne à penser tout seul. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dise « il faut que tu penses comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu manges ça, et pourquoi ?» Les gens ont complètement abandonné le fait de penser par eux-mêmes. Et je pense que s'il y a une chose qu'il faut qu'on arrive à acquérir de nouveau, c'est ça. Et moi, je pense que si je me suis engagée dans ce combat, c'est pour ça. C'est parce que je me suis fait bananer pendant des années et je ne m'en suis pas rendu compte. Et je veux que mes enfants, mes petits-enfants, je veux qu'ils sachent qu'ils n'ont pas à obéir. Il faut qu'ils comprennent par eux-mêmes et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout qu'on ne leur fasse pas faire les saloperies qu'on leur fait faire. Alors, on nous dit qu'on nous a mis des liens pour des usines à bébés en Inde. Hein, donc, ça existe déjà. Des usines à bébés, hein, donc des bébés C'est vraiment. J'ai vu, il y a eu un truc qui est passé il n'y a pas très longtemps d'un couple de Japonais qui justement a fait la gestation pour autrui. Ils ont loué un ventre et ils ont fait fabriquer un enfant. Enfin, ils ont fait fabriquer un enfant, parce que c'est comme ça. Et entre-temps, ils se sont séparés. Donc maintenant, personne ne veut de ce bébé. On fait comment? Voilà, ça se pose. Là, bah, voilà une question. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Excellente cas pratique, si j'ose dire, de ce qui va se passer, quoi. Ouais. Et puis non, enfin, je veux dire, faire fabriquer un enfant, payer un enfant avec sa carte bleue et tout, moi, je suis désolée, ça me choque profondément. Moi aussi, je trouve que c'est une déshumanisation, une capitalisation jusqu'à l'être humain. C'est nous enlever toutes les dimensions, mais ça aussi, quand on recherche dans l'histoire, même contemporaine, on se rend compte que ça aussi, c'est voulu. Enfin, ça a été pensé et voulu. C'est-à-dire, il y a par exemple Brzezinski, qui est le penseur de la trilatérale, qui a dit il y a 30 ans que dans 20 ans ou 25 ans, c'est-à-dire on est en plein maintenant, il appelle ça la société du 20-80, c'est-à-dire 20% des humains suffiront à faire tourner la machine, système, les 80 autres ne serviront à rien, donc ils gagneront pas d'argent puisqu'ils n'auront pas d'emploi et donc ils n'auront pas d'argent pour les loisirs ni rien. Donc il a dit, il faut absolument mettre en route la théorie du tititainment. Titi pour tits, parce que la poitrine en anglais c'est tits, et entertainment. Entertainment. Ah, et donc c'est bercer les êtres humains comme on berce un enfant sur la poitrine, comme un enfant s'endort sur la poitrine de sa mère. Et il dit il faut faire ça avec la nourriture spirituelle et la nourriture physique. Et on peut pas dire qu'ils l'ont pas fait. Parce que quand il a dit ça il y a 30 ans, quand on regarde la nourriture physique qui nous font, enfin, la nourriture qui nous font bouffer physique, elle est dégueulasse, elle rend les gens stériles, elle les rend malades, etc. Et la nourriture intellectuelle, on voit ce que ça donne quand on regarde les émissions de télé-réalité, etc. C'est pour faire penser les gens. Et les gens sont totalement paniqués quand on leur dit de penser par eux-mêmes. Ouais, parce que ça, c'est super important ce que tu dis, parce que il y a quelqu'un tout à l'heure sur le chat qui disait ils ont un plan de, on va dire, dépopulation, quelque part. Et en empoisonnant les gens avec la santé, avec l'alimentation, il y a un objectif de dépopulation, de se débarrasser d'une partie de la population. Toi, tu souscris aussi à ces thèses, parce qu'on en voit beaucoup. Ce que tu me dis là, ça rentre un peu dans ce schéma-là. Moi, j'ai résisté à cette idée pendant 4-5 ans, parce que je me disais, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que leur intérêt, c'est de nous rendre malades, parce que plus on est malade, plus on achète leurs produits, que ce soit l'industrie pharmaceutique, ou que ce soit, je veux dire, quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, ils ne cherchent plus les médicaments, tu parlais du docteur Gernès tout à l'heure, ils ne cherchent pas les solutions pour que l'être humain soit moins malade, ils cherchent des solutions pour nous vendre leurs médicaments. C'est-à-dire, ils créent des maladies pour nous vendre des médicaments. Ils ne créent plus des médicaments pour soigner les maladies. Ça, c'est clair. Et pendant ce temps, on fait marcher le commerce. Plus les gens sont. Et en plus, avant, les gens mouraient d'une épidémie. Bon, ils mouraient, ok. Mais maintenant, ils restent malades. On reste malade 20 ans, 30 ans. Quand tu vois le diabète, le cholestérol, tous les trucs qu'ils ont inventés. On a parlé même du sida et tout. Les psychotropes, etc. Voilà, tu prends ça à vie, pendant 30 ans, 40 ans. Tu prends. Et puis, tu prends un médicament contre les maladies, parce que tu as une maladie de cœur, ça te donne du diabète, tu prends une maladie contre le diabète qui te donne des palpitations cardiaques, etc., etc., etc. Pendant ce temps, le commerce marche. Qu'il y ait une volonté des populations à côté, oui, je pense. Parce que on entend quand même des paroles qui sont un peu bizarres. Et pourtant, je te dis, j'ai résisté pendant 4-5 ans. Mais on en parlait un petit peu tout à l'heure. Quand on voit, au début, on se dit c'est que pour le fric. Bon, après, quand on se rend compte que ces gens-là ont un fric tellement colossal que ça peut pas être pour le fric, ils en ont déjà tellement que bon. Et puis quand tu as 40 baraques dans le monde entier, je voudrais franchement savoir ce que ça te fait quand tu as 200 mètres carrés ou 600 mètres carrés avenue Foch et que tu y passes une fois par an quand tu es en transit pour aller à Pékin ou machin. Tu rentres dans un appart où tu n'as pas vécu pendant un an, où tout est à sa place, etc. Mais enfin, quelle joie tu peux avoir, tu vois. Bon, donc c'est pas ça. Le pouvoir, ils l'ont. Ils ont tout le pouvoir de la Terre. Donc il y a forcément une autre dimension. Et puis il y a quand même des phrases inquiétantes. Je veux dire, tu as le vice-président de Goldman Sachs qui a dit « Je fais le travail de Dieu ». De Dieu, bien sûr. Bill Gates. C'est Blankstein. Bill Gates dans une vidéo qui parle de la surpopulation et qui dit « Mais pourtant, on fait tout ce qu'on peut, y compris avec les vaccins. Y compris avec les vaccins. » C'est pas anodin. C'est ça, pas anodin, ouais. Donc voilà. Et puis, par exemple, on prend, ils sont allés toujours pareil, Bill Gates, Warren Buffett, etc. Mmh. Ils ont acheté 7 ou 8 millions de vaccins pour aller vacciner les petits Africains contre la polio. Mmh. Et maintenant, ils meurent du virus vaccinal. Donc, je veux dire, ça fait marcher le commerce. Ouais. C'est vraiment le cercle vraiment. Et en plus, c'est faux, parce que je veux dire, quand ils disent on pourrait pas nourrir l'humanité, bon, c'est vrai que la surpopulation est un problème, mais c'est surtout un problème pour eux, parce que c'est beaucoup plus facile de gérer 500 millions de personnes que de gérer 8 milliards ou 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Oui, un petit nombre, on connaît tous aussi. Et puis je pense que c'est quand même, quand tu regardes, tout l'entonnoir se resserre et il est quand même assez compact et assez tout va dans la même direction. C'est-à-dire, en même temps que la théorie du genre, tu t'aperçois qu'ils essayent de faire passer une loi, comme quoi, par exemple, une loi fiscale où si les deux parents ne travaillent pas, ils n'auront plus droit à l'abattement fiscal pour enfants. Ça, c'est pourquoi pour obliger les femmes à aller travailler. En période de chômage, où tu as 10% de la population qui est au chômage, quel est le but de vouloir envoyer en plus les femmes travailler alors qu'il n'y a pas de travail ? Si on marche sur la tête. Il parlait aussi d'interdire l'éducation à la maison. Oui. Tout ça, c'est pas anodin quand même. Ça va bien quand même dans le sens de contrôler la population, de contrôler l'éducation et de contrôler la procréation. Donc ça peut pas être dans un but anodin. Et ça peut pas être non plus des coïncidences, parce que les coïncidences, ça va comme ça. Hein. Là, c'est très orchestré quand même. Et on voit que ça va dans le même sens. Oui. Vraiment, en fait, oui. Tout se rejoint. C'est pour ça que je comprends bien le lien. Et puis le fait quand même que tous les pays du monde, au même moment, aient le même objectif, franchement... Ouais. Si c'est un hasard... Ils sont tous réveillés, le mariage, la GPA, le machin, tous en même temps. Et voilà. C'est pour ça que j'en avais parlé une fois dans une émission ici, où je disais que ça ressemblait fortement au nouvel ordre mondial et qu'il était bien là déjà, et que ce gouvernement mondial, en tout cas, même s'il n'est pas apparent, quelque part, il est déjà en action quoi, sur... Non, et puis tout, on nous bassine, dès qu'il y a le moindre truc, par exemple, quand Farida a sorti ses journées de retrait de l'école, immédiatement, on nous a parlé de nos valeurs républicaines qui étaient attaquées, voilà. De la démocratie. Chaque fois qu'il y a une merde, on nous parle de la démocratie et des valeurs républicaines. Mais quand est-ce qu'ils les respectent, eux? C'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et alors pourquoi on ne nous tient pas au courant? Pourquoi les décisions qui impliquent nos vies sont prises par des gens dans des assemblées de gens non élus, comme le Bilderberg, la Trilatérale, le CFR, le siècle en France? Elle est où la démocratie là? C'est-à-dire on va voter pour des pantins, et à côté de ça, ces pantins-là sont juste là sont des preneurs d'ordre, et ils sont dans le cercle de gens qui doivent faire appliquer les décisions qui sont prises dans ces comités. Mais ces comités sont des assemblées de gens non élus. Ce sont des gens qui ne sont pas élus par nous, par les peuples, qui prennent les décisions, qui engagent nos vies. C'est pas nos politiques. Nos politiques, ils n'ont rien à dire. On le voit d'ailleurs. Hein. Ils sont un peu, j'ai envie de dire, ils marchent au pas derrière. Quoi. Et puis ils s'en foutent, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tellement paniqués et qu'ils nous disent « Ah ben non, mais là c'est les valeurs de la République et le Front républicain, et donc il ne faut pas voter pour le Front national parce que il faut voter utile ». Et ça, depuis que je suis née, j'entends dire qu'il faut voter utile. Mais alors on s'est bien planté, parce que je veux dire, je ne vois pas où est l'utilité pour nous. Plus on va, plus on galère. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où est le vote utile là-dedans. Hein. Ça va très très mal. C'est vrai, elle me dit Claire, c'est vrai qu'elle a tout compris du mondialisme, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont surtout, je sais que le public Meta TV il est à fond avec toi. Ça me révolte. Ouais, quoi. Ouais. Je veux dire, je comprends pas que les gens se lèvent pas quand on nous parle de valeurs de la République, mais il faut arrêter quoi. On a juste une valeur pour eux, on en a deux. en fait. La première valeur, c'est de consommer, et jusqu'à se rendre malade du moment qu'on bouffe leur merde. La deuxième valeur, c'est de mettre le bulletin dans l'urne. Une fois qu'on a... Jusque-là, ils nous chouchoutent. Hein. On est vraiment... On a tous les droits. Et puis, dès qu'on a mis le bulletin dans l'urne, on peut aller faire un grand tour parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Plus besoin de nous. Ils ont besoin de rendre des comptes aux gens qui ont payé leur campagne. Mais nous, ils n'en ont rien à battre. Et d'ailleurs, ils nous le disent. Mais simplement, en allant mettre notre bulletin dans l'urne, on leur donne une légitimité. C'est-à-dire qu'après, quand on gueule ou qu'on n'est pas content, ils nous disent mais de toute façon, c'est le gouvernement que vous avez élu, donc de quoi vous vous plaignez, il fallait pas l'élire. Et après, après on dit bon, c'était la droite, donc on va voter contre la droite, on vote à gauche. Ensuite, on va voter contre la gauche, on vote à droite. Mais de toute façon, ils ont tous les mêmes patrons. Donc ça sert à quoi? Et elle est où notre liberté à nous? Alors là, justement, on nous dit « Bonsoir, concernant nos animaux domestiques que l'on adore, et aussi on les massacre, on les désanimalise, en les forçant à ne plus chasser pour suivre. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En les forçant à ne plus chasser pour vivre, en fait, pour survivre. Nos animaux domestiques, moi, je vois pas mon chien. Si mon chien va attaquer les poules, je suis pas d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, les chats, on peut pas les empêcher. Hein. Les chats, ils vont toujours attraper. Les chats, ils vont attraper les souris, etc. Oui. Mais oui. Alors, on me dit, vu la gravité du sujet de ce soir, ce qui doit nous permettre de continuer la route sans avoir des idées suicidaires, c'est dire que tous ceux qui sont la cause de nos malheurs vont aussi mourir un jour dans les mêmes conditions que la plupart d'entre nous, à moins que ces enfoirés ne se trouvent un moyen de se refaire sur une autre planète. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Alors, on nous demande aussi dans les pays un peu qui sont, on va dire, hors du cercle mondialisme, de l'euro-mondialisme, comme la Russie ou l'Iran, est-ce que la nourriture est meilleure? J'ai vu cette question, je ne sais plus qui l'a posée, mais... Non, je ne sais pas. Tu sais pas un peu si... La dernière fois que je suis allée en Russie, ce n'était pas terrible, mais effectivement, depuis, ça a beaucoup changé, donc je ne sais pas. D'accord, parce que bon, on sait qu'ils sont, c'est vrai, un petit peu quand même en dehors des circuits. Effectivement, à part la Russie, peut-être, je pense qu'on est tous bien contaminés quand même. Ouais. Parce que ça aussi, ça n'a pas été fait au hasard. Hein. Quand on regarde bien l'historique, je veux dire, c'est après la Deuxième Guerre mondiale où d'un côté Rockefeller et de l'autre côté IG Farben en Allemagne, qui s'étaient accoquinés et qui vendaient du pétrole aussi bien aux nazis qu'aux alliés. Et après, ils se sont dit, putain, ce serait bien si on pouvait vendre comme ça. La mondialisation, d'après Pierre Hillard et tout, elle a commencé bien avant. Bien, bien avant. Mais en tout cas, je pense que c'est là où vraiment ça a éclaté. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre la mainmise sur le monde. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, ils nous ont vendu l'ONU. En nous disant il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. Ah, ça, c'est génial. Quand on sort de deux guerres, trois guerres, même extraordinaires, on se dit, purée, c'est bien, il n'y aura plus de... Bon. Après, ils ont fait l'OMS, ils ont fait l'OMC, en nous disant toujours l'emballage est extraordinaire. L'OMC, ça a été... Non, l'OMS, d'abord, ça a été pour que tout le monde ait accès à la santé, tout le monde... Voilà. Après, on se rend bien compte que, par exemple, quand le Brésil a demandé à fabriquer la trithérapie, ils ont eu tous les labos sur le dos. Hein. Donc, si c'était pour le bien de l'humanité, ils auraient laissé faire. Ouais, la Thaïlande aussi, j'ai vu. Ouais. Donc, après, il y a eu l'OMC pour dire les normes et le codex alimentaire russe, qui est vraiment la plus grosse saloperie. Mais quand on regarde aussi historiquement, c'est l'ancien patron d'IG Farben Auschwitz, Fritz Termer, qui après Nuremberg, en fait, à Nuremberg, il a été un peu inquiété, mais pas trop. Et entre-temps, son acolyte Rockefeller était rentré au gouvernement américain, donc il l'a fait ressortir, il avait pris 4 ans de prison, il l'a fait ressortir très très vite, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner du pognon maintenant que leur truc était tombé à l'eau, et ils ont fait dans toutes ces institutions supranationales, parce que ça leur permettait de vendre leurs produits dans le monde entier sans avoir chaque fois à aller demander à chaque président en ayant des institutions supranationales, ces institutions qui ont été fondées par les mêmes gens, y compris les instances de sécurité, ont été fondées par les mêmes gens, y compris les sociétés secrètes, c'est les mêmes gens qui sont derrière. Alors évidemment, c'est un hasard, hein, mais bon... donc ça leur a permis de vendre leurs marchandises dans le monde entier sans avoir à demander de permission. Et le codex maintenant, c'est vraiment terrible parce que tout ce qui n'est pas référencé codex n'a plus le droit d'être le droit en vente. D'être en vente et en plus de ça, les pays qui voudraient peut-être rester un petit peu à l'écart, s'ils restent un petit peu à l'écart du codex, ils vendent pas. Donc c'est eux qui demandent à être référencés codex pour la plupart des trucs. C'est diabolique, je trouve. C'est vraiment diabolique. Parce que voilà, les seuls qui pourraient justement résister, entre guillemets, mais tout est fait pour que ça tombe. Parce qu'on dit, bon, bah, c'est un peu une espèce de chantage, quoi, finalement. Ouais. Dans ces pays. Ouais. Et puis on peut pas faire grand chose parce que pour référencer, pour qu'une semence soit référencée codex, ça coûte 400 000 euros. C'est pas le petit paysan du coin qui a une tomate extraordinaire qui va pouvoir en faire quelque chose. Donc il est forcément illégal et donc sa semence sera forcément interdite. Mais nous, c'est là aussi où on voit que tout se rejoint. C'est-à-dire que maintenant les seules semences qui sont en vente, à part Cocopelli et deux, trois personnes, organisations qui luttent comme ça, tout ce qui est en vente est référencé codex. Et les seules qui ont les séquences ADN de tout le reste, c'est les mêmes. C'est-à-dire que dans leur coffre-fort... Donc si demain ils décident par exemple de nous affamer, on ne peut rien faire. Et s'ils nous coupent les 200 semences qui sont dans leur catalogue et qu'on n'ait plus les séquences ADN des vieilles semences, on ne peut plus bouffer. Et en plus, la pollution OGM fait que dans quelques temps, on sera, si on ne se lutte pas maintenant, on sera obligé de bouffer des OGM. Sinon, on ne bouffera pas. Et comme l'être humain a quand même faim de temps en temps, entre une culture OGM et rien... Parce qu'à terme, c'est ça, il n'y aura plus que des OGM. Quoi. Ouais. C'est un peu ça. Quoi. Ouais. C'est terrible. On nous demande, allez-y pour les dernières questions. Madame Sévrac, avez-vous des solutions à mettre en œuvre pour contrer cette caste pharmaceutique et d'OGM? T'as expliqué de façon de. La seule solution que je vois, c'est de dire non et de le faire dans tous les actes de nos vies. Alors bien sûr, il y a des ratés. Moi, je veux dire, Dieu sait que je suis parfaitement consciente du problème. Je pense à peu près, peut-être un peu plus que la normale des gens. Mais moi aussi j'ai des ratés, des fois je mange des trucs qui sont moyens. Mais je pense que ça commence déjà devant notre porte. Chacun doit balayer devant sa porte et chacun doit essayer de résister, chacun doit essayer de manger, arrêter d'aller bouffer des trucs de merde dans les grandes surfaces, arrêter de bouffer de la viande industrielle, parce que ces gens-là sont. Je ne sais plus qui c'est qui me disait ça quand j'ai commencé mon enquête, c'est Jean-Pierre Berland qui m'a dit. Ces gens-là sont pas des. Ils vendent des médicaments parce que ça marche, ils vendent des OGM parce que ça marche, mais ils pourraient aussi bien vendre des voitures ou des couches culottes, ou ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le bio. Il y a 5 ans, il n'y avait pratiquement pas de bio. Il y avait des petits magasins qui avaient 3 tomates pourries ou 2 patates comme ça et tout. Depuis qu'ils ont vu que le créneau bio était un créneau porteur et qui pouvait rapporter de l'argent, on ne peut plus rentrer dans une grande surface sans voir un rayon bio qui fait 200 mètres carrés. Donc, Colin Serrault l'a dit aussi, enfin, il y a plein de gens qui le disent et on est tous d'accord là-dessus. On a un pouvoir qui est extraordinaire, on a le pouvoir du porte-monnaie. Et ces gens-là, la première chose qui les intéresse, c'est le pognon. Donc arrêtons de leur filer notre pognon. Puis en plus, comme le dit très bien Colin Serrault, ce sont des gens au pied d'argile. Si on arrête filer notre fric, donc ça commence par notre conscience à chacun et notre résistance à chacun. Et Pierre Rabhi le dit aussi. Il dit maintenant avoir un potager, c'est entrer en résistance. Oui. Mmh. Oui. Pierre Rabhi aussi. Le problème, ce qui est génial aussi, c'est qu'on se rend compte que quel que soit le domaine d'enquête, que ce soit Farida, que ce soit Marion Sigaud, que ce soit Pierre Hillard, que ce soit quel que soit le domaine dans lequel on enquête, quand on se retrouve, on est tous d'accord sur la même chose. On retrouve les mêmes gens derrière, les mêmes magouilles derrière, la même façon de fonctionner, le même plan. Donc les gens, il faut que ça commence par les gens qui sont au courant et il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes d'abord. Moi, je prêche pas, moi, je demande à personne de me croire, je dis simplement les gens qui sont conscients, il faut commencer par le faire soi-même. Eh ben, mettons-y nous tous, si j'ose dire. Hein, ben, on arrive à la fin de cette soirée. Et, voilà, je pense que c'était une très belle conclusion de dire que de toute façon, si on veut ce changement, il faut commencer par nous-mêmes et commencer par. On a souvent parlé ici, arrêter effectivement d'aller acheter certains produits. Ça, en plus, c'est meilleur pour notre santé. Donc, c'est ça en fait un double acte pour notre corps et pour les virer. En tout cas, merci beaucoup, merci Claire, d'être venue. Merci à tous d'être là. Voilà, moi aussi, je vous remercie. LKG, Kero, Métan Tkagoul, Pétac, Expérience, Stevinou, Tête de Cacahuète, Batistoff, Matt et Yen, mon cher Alasso, Libertal, Sassa, Teté, Sad Quedel, le roi de la Quedel, Alice Bock. J'ai pas fait exprès, mais j'ai la main là que personne n'y voit. Ah non, mais t'inquiète pas, ils sont immunisés, tu vois. Auto-immunisés. Il n'y a pas de problème. Voilà, tous les méthanotes, scorpions, failles, etc. Je peux pas tous vous citer, vous êtes tellement nombreux maintenant. J'oublie pas, évidemment, My Man Pirate, Verbal, Kint, hein, et Cyrine. On vous passe, de toute façon, vous savez, plein de bisous, hein. Toujours Barat Ribord, Daniel Q, etc. Les Victor Doum Doum, parce qu'ils sont pleins et comme je t'ai dit, on a un lien très particulier entre nous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, gros bisous à vous tous. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Demain, ce sera Pascal Seffran, l'invité. Donc Pascal Seffran, la figure de génération pour les amateurs de rap, vous connaissez, voilà, génération.fm, ce sera Pascal Seffran, donc on va parler rap français. Et merci encore, merci beaucoup. Ciao à tous, parce que vous savez bien, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous la régie. Ciao.